Yes, no. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est Nuisance. Plus le travail devient. Avec, si vous voulez vous présenter, vous pouvez. Si vous voulez pas, vous présentez pas. En plus, la somme de travail s'accroît avec le développement de la machine et la vision du travail. Voilà, et donc Al aussi, moi. De la journée de travail, soit et le manifeste du Parti communiste en fond. Des machines, etc. Et la riposte, la catapulte, l'arbalète. Patriarcale en la grande fabrique du bourgeois capitaliste. L'escarpolette aussi. Des masses d'ouvriers entassés dans la fabrique sont organisés militairement. Traités comme des soldats industriels, ils sont placés sous la surveillance d'une hiérarchie complète de sous-officiers et d'officiers. Ils ne sont pas seulement les esclaves de la classe bourgeoise, du gouvernement bourgeois, mais encore, chaque jour, à chaque heure, les esclaves de la machine, du contremaître et surtout du maître de la fabrique. Plus ce despotisme proclame hautement le profit comme son but unique, plus il est mesquin, odieux et exaspérant. Moins le travail exige d'habileté et de force, c'est-à-dire plus l'industrie moderne progresse, plus le travail des hommes est supplanté par celui des femmes. Les distinctions d'âge et de sexe n'ont pas de validité sociale pour la classe ouvrière. Il n'y a plus que les instruments de travail, dont le prix varie suivant l'âge et le sexe. Une fois que l'ouvrier a subi l'exploitation du fabricant et qu'il a reçu son salaire en argent comptant, il devient la proie d'autres membres de la bourgeoisie, du petit propriétaire, du prêteur sur gage. La petite bourgeoisie, les petits industriels, les marchands, les petits rentiers, les artisans et les paysans propriétaires tombent dans le prolétariat. D'une part parce que leurs petits capitaux ne leur permettant pas d'employer les procédés de la grande industrie, ils succombent dans leur concurrence avec les grands capitalistes. D'autre part parce que leur habileté spéciale est dépréciée par les nouveaux modes de parce que leur habileté spéciale est dépréciée par les nouveaux modes de parce que leur habileté spéciale est dépréciée par les nouveaux modes de parce que leur habileté spéciale est dépréciée par les nouveaux modes de production. De sorte que le prolétariat se recrute dans toutes les classes de la population. Le prolétariat passe par différentes phases d'évolution. Sa lutte contre la bourgeoisie commence dès sa naissance. Sa lutte contre la bourgeoisie commence dès sa naissance. D'abord, la lutte est engagée par des ouvriers isolés. Ensuite, par les ouvriers d'une même fabrique. Enfin, par les ouvriers du même métier, dans une localité, contre le bourgeois qui les exploite directement. Ils ne se contentent pas de diriger leurs attaques contre le mode bourgeois de production. Ils les dirigent contre les instruments de production. Ils détruisent les marchandises étrangères, leur font concurrence, brisent les machines, brûlent les fabriques, et s'efforcent de reconquérir la position perdue de l'artisan. Tu veux de la bière, compagnon de lutte. À ce moment du développement, le prolétariat forme une masse incohérente, disséminée sur tout le pays. T'as raison, tu veux une bière. Et désunie par la faut tout finir pour qu'on puisse revoir. Si parfois les ouvriers vas-y, bois une bière. Cette action n'est pas liberté. C'est pour arranger le système. Mais de celle de la bourgeoisie qui, pour atteindre ses fins politiques, doit mettre en branle le prolétariat tout entier. Alors si j'ai bien compris, il faut se branler pour que le prolétariat se lève enfin de son foutre. Durant cette phase, les prolétaires ne combattent pas encore leurs propres, mais les ennemis de leurs ennemis, c'est-à-dire les restes de la monarchie absolue, les propriétaires fonciers, les bourgeois non industriels, les petits bourgeois. Tout le mouvement historique est de la sorte concentré entre les mains de la bourgeoisie. Toute victoire remportée dans ces conditions. Ouais, c'est clair, t'as raison. Victoire bourgeoise. J'ai rien compris, mais je suis d'accord. Grossit non seulement le nombre de prolétaires, mais les merde. En masse plus considérable. Les prolétaires augmentent en force et prennent conscience de leur force. Les intérêts, les conditions d'existence des prolétaires s'égalisent de plus en plus, à mesure que la machine efface toute différence dans le travail, et presque partout réduit le salaire à un niveau également bas. La croissante concurrence des bourgeois entre eux et les crises commerciales qui en résultent rendent les salaires de plus en plus incertains. Le constant perfectionnement de la machine rend la position de l'ouvrier de plus en plus précaire. Les collisions individuelles entre l'ouvrier et le bourgeois prennent de plus en plus le caractère de collision entre deux classes. Les ouvriers commencent par se coaliser contre les bourgeois pour le maintien de leur salaire. Ils vont jusqu'à former des associations permanentes en prévision de ces luttes occasionnelles. Ça et là, la résistance éclate en émeute. Parfois, les ouvriers triomphent, mais c'est un triomphe éphémère. Le véritable résultat de leur lutte est moins le succès immédiat que la solidarité croissante des travailleurs. Cette solidarisation est facilitée par l'accroissement des moyens de communication qui permettent aux ouvriers de localités différentes d'entrer en relation. Or, il suffit de cette mise en contact pour transformer les nombreuses luttes locales, qui partout revêtent le même caractère, en une lutte nationale, en une lutte de classe. Mais toute Nestor lutte Bacno, de classe je t'aime. Est une lutte politique. Nestor. Et l'union que les bourgeois du Moyen-Âge mettaient des siècles à établir avec leurs chemins vicinaux, les prolétaires modernes l'établissent en quelques années par les chemins de fer. L'organisation du prolétariat en classe, et par suite en parti politique, est sans cesse détruite par la concurrence que se font les ouvriers entre eux. Mais elle renaît toujours, et toujours plus forte, plus ferme, plus formidable. Elle profite des divisions intestines des bourgeois pour les obliger à donner une garantie locale à certains intérêts de la classe ouvrière. Par exemple, la loi de 10 heures de travail en Angleterre. En général, les collisions dans la vieille société favorisent de diverses manières le développement du prolétariat. La bourgeoisie vit dans un état de guerre perpétuelle, d'abord contre l'aristocratie, puis contre cette catégorie de la bourgeoisie dont les intérêts entrent en conflit avec les progrès de l'industrie. Toujours, enfin, contre la bourgeoisie des pays étrangers. Dans toutes ces luttes, elle se voit forcée de faire appel au prolétariat, d'user de son concours et de l'entraîner dans le mouvement politique. I want to speak some word in English. T'es pas obligé de le gueuler, putain de merde. I want to say to you, the sound engineer on and Canal Sud is very the best. But I was speaking with all partners in Canal Sud. Is the best. Yeah. Yeah, baby. The producer is the best because he can fuck a dick. Il a pas cané mais il can. With a penis, he can fuck a dick. He can. De la société toute entière. Can fuck an asshole in the ass. Explain with lot of. Oui. Rien. Non, rien, finalement. Bon, d'accord. Is translate. De même que. Always. Our. Noise. In the ass. With a little bit of. Little bit, ça c'est la clé. I got a little bit. Notamment cette partie des idéologues. A small, little, tiny bit. Parvenu à l'intelligence théorique du mouvement historique. De toutes les classes qui, à l'heure présente, se trouvent face à face avec la bourgeoisie, le prolétariat seul est une classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes périclitent et périssent avec la grande industrie. Le prolétariat, au contraire, en est son produit tout spécial. La classe moyenne, les petits fabricants, les détaillants, les artisans, les paysans combattent la bourgeoisie parce qu'elle compromet leur existence en tant que classe moyenne. Ils ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservateurs. Qui plus est, ils sont réactionnaires. Ils demandent que l'histoire fasse machine arrière. S'ils agissent révolutionnairement, c'est pas l'intérieur. Ils défendent alors leurs intérêts futurs et non leurs intérêts actuels. Ils abandonnent leur propre point de vue pour se placer du point de vue du prolétariat. Maintenant, 1, 2, 3. La voyoucratie des grandes villes, cette putréfaction passive, cette lie des plus basses couches de la société, est ça et là entraînée dans le mouvement par une révolution prolétarienne. Cependant, ces conditions de vie la prédisposeront plutôt à se vendre à la réaction. Les conditions d'existence de la vieille société sont déjà détruites dans les conditions d'existence du prolétariat. Le prolétaire est sans propriété. Ses relations de famille n'ont rien de commun avec celles de la famille bourgeoise. Le travail industriel moderne, lié par le capital, aussi bien en Angleterre qu'en France, qu'en Amérique, qu'en Allemagne, a dépouillé le prolétaire de tout caractère national. Y'a quelqu'un qui pourrait mettre une balle à ce mec à la voix super aiguë pitchée. Genre, je suis contre le meurtre, mais il y a des moments où il y a un gars, il parle beaucoup, il raconte des histoires un peu dépassées dans un monde déclassé et entièrement à date de faire ensemble. Dans la nationalisation de l'être absolu. Hein. What do you mean? What do you mean? I mean you. I mean fuck, fuck me in the ass. El rollo de Tolos es de ser completo. Ser completo. Es decir, recuérdate oficial la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie. Bien qu'elle ne soit pas au fond une lutte nationale, la bien qu'elle ne soit pas au fond une lutte nationale. La lettre te dit c'est bizarre. Hein, comment estas las palabras que digamos cuando somos borrachos? Pero yo no soy borracho. Borracho. Au fond, une fuck lutte nationale, la publicité, et tout le monde, les médias de communication, nous parlons il va sans dire que le prolétariat de chaque pays doit en finir avec sa propre acabar bourgeoisie. Acabar de la burguesa. Fuck me, acabar fuck de me, la fuck burguesa. Me. Ligar el papel. Ligar la mujer. Ligar todos que no somos. Joder que puta. Jodemos. Debemos a joder a todos y todas. Ouais, je suis français, alors je suis automatiquement... Si, cortame. Je suis pas d'accord, désolé, j'ai rien compris. Opprimé. Mec. Mais pour opprimer une classe... Je te nie. Il faut je te nie. Pouvoir lui garantir les conditions d'existence qui lui permettent de vivre en esclave. Je sais pas parler le québécois, mais... Le cerf, en pleine féodalité... Espero hablar castellano más o menos mal. Atteignez la position de bourgeois sous le joug de l'absolutisme féodal. Quiero... Le fruit des modernes, au contraire, quiero, loin quiero, de s'élever que de l'industrie. Donc si vous n'avez pas encore compris, si vous n'avez pas compris, en fait, on comprend rien ici, quoi. C'est le but. Donc. C'est de la merde, nuisance, c'est de la merde. La merde, ouais, de la merde aussi. Et on comprend rien, et donc je voudrais vous expliquer ça, quoi. Donc voilà, quoi. Donc on est en pleine incohérence. Et ça est, c'est l'egmotibo. Ouais, il paraît, mais c'est pas dogmatique, quoi. De tu la vois, c'est émission. Clair. Et nous sommes dogmatico. Voilà, c'est ça, nous. Somos marciano. Je dirais même estamos, quoi, tu vois. Ça non estamos dogmatico, estamos tu vois. Estamos marciano. Dogmaticos. Non estamos de dogmaticos. No me parce voy a que... una lección, una clase de castellano sobre parce, los parce verbos que, estar y so, parce que, parce que non estamos, en fait. Voilà, c'est ça. Donc non porque estamos. Son diferencias muy altas. Donc on peut dire non estamos en fait, ça évite d'avoir à dire non estamos dogmaticos. Le mieux c'est quand même le verbe être en français parce que ça résume les deux. On va pas se faire chier. Ouais, alors on n'est pas dogmatique, ça on peut le dire. Puisqu'en fait, on n'est pas quoi. On n'est pas. Ici on n'est pas. Et get. Formation et l'accroissement du capital. Ici on n'est pas l'accroissement du capital ici, vous voyez. Le salariat. Le salariat c'est pas nous. Ah non, on n'est pas salariés. On n'est même pas des libéraux, on n'est même rien. Ouais, la concurrence des ouvriers entre eux, c'est pas nous non plus. On n'est rien. On est bien quelque chose, mais on sait pas trop quoi parce que finalement on n'est pas vous quoi. Mais être rien c'est être quelque chose déjà. Est-ce que par ton personne, une personne est-elle personne ? Ou une personne n'est-elle pas personne ? Et ensuite, en fait, ouais, c'est compliqué, c'est comme un autre. Je m'entends plus. Un autre, c'est celui qui reçoit, c'est celui qui reçut. Comment tu t'appelles ? Et alors, du coup, j'ai dit, mais juste personne. Et alors, du coup, deux personnes en personne, on s'est retrouvés. Ouais, moi, je m'entends pas, moi. La chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Deuxième partie, prolétaires et communistes. Quelle est la position des communistes vis-à-vis des prolétaires pris en masse ? Les communistes ne forment pas un parti distinct tu m'as coupé. Opposé aux autres. Je t'ai pas coupé, je t'ai baissé. Ah, tu m'as baissé. Mais tu cries, tu m'as baisé, oui, tu m'as baisé. Je suis obligé de te baisser, tu cries dans le micro. Tu voudrais me baiser. Tout le monde croit que je veux tous les baiser, mais non. Non, je veux qu'on baise. Ouais, mais voilà. Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant les causes à avoir des communs sous-prolétarisés au pôle. Dans les différentes phases évolutives de la lutte entre prolétaires et bourgeois, il représente toujours et partout les intérêts du mouvement général. Pratiquement, les communistes sont donc la section la plus résolue, la plus avancée de chaque pays, la section qui... Carrément. J'ai dit le mot, le mot qui commence par... T'as dit quoi ? Le mot avec deux L. Et Méphistoté, je suis bolchevique. Et je deviens léniniste stalinien. Je me casse pas les couilles. Hein. Bolchefiste. Tu veux que je te bolchefiste, pardon. Coloscopie, ouais, carrément, vas-y. Ah, vous pouvez gueuler, les mecs, maintenant. Hein. Galette, il est parti. En plus, c'est vrai, parce c'est que... Vrai, ouais, en c'est plus, vrai, c'est vrai, je suis devenu d'extrême droite, d'extrême gauche. Extrême droite, d'extrême gauche, c'est le revival du stalinisme. Et je voulais parler de mon cul, en fait, s'il y avait moyen. Donc, si je peux en placer gauche, une, salut, je m'appelle Robert. J'ai un gros cul, je voudrais en parler à quelqu'un. Ça arrive à l'intestin grêle, non? C'est ça? Non, mais c'est sa première coloscopie. Faut dire que la première fois, c'est toujours irritant, quoi. Mais jolie coloscopie de vacances. Et alors, du coup, il y a une chanson que je voulais chanter merci pour curé, elle, merci, très intéressante, qui s'appelle Le soleil est mort ce soir, je crois. Ou il est mort, le soleil, ce soir. Il n'entend pas ce qu'on lui dit, c'est pas grave, il a pas le casque aux oreilles. Il a coupé. Alors du coup, il est en train de faire des choses assez divergentes. Et on se rappelle encore cette histoire où le micro était percutant et angoissant. C'était les premières fois à la radio sur Nuisance. Et il y a eu un dérapement qui s'est fait. C'est en fait, il y avait des grappeurs. Et ils ont dérapé. Parce qu'en fait, il faut dire que cette émission est assez étrange, quoi. Donc quelque chose de plus étrange. Non ? Genre un orgue, non ? Attends. Parce qu'on va pas prendre les auditeurs pour des cons, quand même, hein ? C'est pas... Non ? Un peu plus grave ? Ouais, ça, c'est bien, ça, non ? Ça fait très... football américain, mais c'est pas mal, hein ? Ah oui, on peut le faire, d'ailleurs. Et si on leur disait que ça commence maintenant ? Ouais. et qu'à partir de maintenant, on allait leur dire quelque chose. Ça me fait penser à l'an 01, ça, la façon dans laquelle tu parles du maintenant. Si quelqu'un téléphone et qu'il demande un sujet, on parlera du sujet. Ouais, mais alors, est-ce que on pourrait aussi considérer qu'on est tous un sujet à part entière ? Oula. Le sujet n'est pas parti, et ça c'est pas très partisan. Non, ça. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on pourrait le définir. Oui, ouais. On pourrait prendre le temps. Ouais. Et peut-être même qu'on pourrait parler du sujet. C'est vrai, parce que quand on le définit, et là, on le limite, et là il s'échappe pas. Parce que sinon, attends, le truc, on n'arrête pas de lui courir après. Ouais, mais moi je suis partisan du rien faire, hein. Je veux dire, le néant, j'adore ça, là. Le rien du tout. Là. Le sujet qui disparaît à force de le regarder de plus en plus prochement, c'est, c'est le projet, tu sais, par les gens qui le font pas. Ça veut dire, tu fais des projets, mais... Tu les fais pas. On est bien d'accord. Ouais, ça c'est pas mal ça. C'est... En fait, c'est... Moi, donc on pourrait parler du projet comme ça, enfin de l'idée de l'émission. Et puis, petit à petit, on va peut-être déboucher sur quelque chose. Bah, je ne sais rien. Peut-être. Mais, en fait, je me dis que quelque part, c'est ce que font nos dirigeants quoi. Oui, donc ils parlent de choses qu'ils ne font pas. Eux-mêmes. Ah d'accord, ils sont comme ça les dirigeants. Bah en fait tu diriges mais après tu fais pas quoi. Ouais, quand même ils ravitaillent quoi. Ils ravitaillent en rêve. Ça c'est les dirigeants, ils ravitaillent. Prenez l'opium, mes enfants. Si, je t'assure, c'est à droite. Oh, ça fait mal. Bon, bah, on va essayer une autre direction. Soyez mes disciples, suivez-moi dans le chemin étreinté et chaud et glissant. Car la vie n'est qu'un fil. Punaise, tu me fais peur, ça fait vraiment Apocalypse Now, ton truc. Un fil qui s'immisce dans l'éternelle objectivité de l'être et sa pensée divergente, elle aussi, dans des mers de conneries. C'est vrai, le sujet, on devrait en parler du sujet. Je tue le temps. Et la folie aussi. Alors la folie, elle commence quand? Quand le sujet se termine ou quand le verbe commence? Elle se situe dans le temps d'abord. J'avoue. Elle se manifeste doucement, tranquillement. En chaque instant. Elle se développe inlassablement. Telle une tumeur évolutive. Elle ne te permet pas de te débattre. Car les bas est sanglant et... C'est quoi ça? Inlassable délire. J'ai envie de parler des nonnes et de cannelés. Une fois qu'une nonne a goûté un cannelé, c'est foutu. Elle s'éloigne du sujet. Tu as péché, ma sœur. La cannelle qui était sur le cannelé t'a rendu folle. Peut-être les petits stries qui, en tournant, procurent des sensations assez agréables. Je ne sais pas si je devrais en parler. Si. Bon, d'accord. Mais mon père, ne doit-on pas garder secret tout ce qui est confié dans le confessionnal? Aucun secret entre nous, mon enfant. La vie est dure, hein. Oh. Ah, c'est des choses. Dure comme quoi, mon enfant? Est-ce que ça te rappelle la dureté de mon amour? Je te brûle, petit doigt. Ne partez pas, ma sœur. Tu joues mal de l'orgue. Moi, je te brûle les doigts. Pauvre Narcisse. Tu crois avoir du talent? Eh bien, je vais te trancher avec les éclats du miroir dans lequel tu t'admirais. Tout ce cassant. Bientôt, tu seras fané comme une Narcisse au soleil du Burkina Faso. donner. Comme... un colon qui aurait chopé un falciparum et la fièvre jaune et toutes les maladies qu'on peut choper en allant là où on n'a rien à faire. On étudie tout aujourd'hui, on veut tout savoir. On s'est dit pourquoi des médocs, mais les médocs nous rendent malades. Pourquoi la clope? Et pourtant elle nous fait vivre. Nous aide à vivre au moins. 70 000 morts, 700 000 peut-être dans le monde. Mais à quel âge? À quel âge avons-nous envie de situer notre mort? Il faut que ça soit rentable. Et tous ces morts par la clope le sont parce que c'est trop voyant de faire des guerres et des génocides. Nous, dirigeants, nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça. Alors nous utilisons des stratégie de contournement. Parce que c'est pas facile quand t'as un troupeau qui est trop gros pour la taille de ton enclos. Comme t'avais déjà abattu toutes les forêts pour faire les poteaux de ta clôture, bah tu te trouves bien emmerdé. Alors il faut inventer le terrorisme. Un espèce de loup qui fait sauter les moutons dans le vide. Mais le terrorisme... J'ai peur parce que je n'ai pas fait d'études, mais... Ce serait pas la nature qui nous le montre? Naturellement. Eh ben... Dans chaque animal, il y a quelque chose. Eh ben... Chaque animal nous montre quelque chose. Moi je crois au loup, je crois au terrorisme, ils vont venir chez nous. S'ils en ont envie. Écoute ton cœur au lieu de voir à l'extérieur tous ces mondes qui s'agitent sous le fouet du maître absolu. À croire au paradis après la mort, je préfère mourir d'abord. Agir ou réfléchir, même si ma vie n'est que pensée qui s'affable et se meurt, autant irritant, autant l'emporte le vent, pourquoi pas. Un peu d'improvisation et on agite. Ah ouais, mais je veux dire, c'est même exceptionnel. Nos désirs et nos pensées vont dire qu'on est mal. Il faudrait apprécier la situation quand même. Les quatre auditeurs qui l'écoutent, il y a eu 5, allez vas-y, 6 ou 7. En fait, à 4, il paraîtrait que si on chante bien, on pourrait faire apparaître une cinquième voix. Ah, va savoir. On parlait justement d'un truc à la con. Mais on chante ensemble ou séparément? Spiritualité ou avec genre, mon cul. Arrêtons, le pape est mort. Oh, attends, j'ai une chanson qui pourrait te faire plaisir. Le pape est mort. Et toi, le voyageur, j'ai une chanson qui pourrait te faire plaisir. Vas-y, chante. Mon fion qui parle. Ouais. Vas-y, vas-y, à fond. T'as vu l'enjeu. Mon fion, il parle. Bah, le fion, ouais. Vas-y, le fion. Il marchait sur le bord de la route. Et il voulait gagner l'autoroute. Et tenait un carton au-dessus de sa tête. Bien haut comme un drapeau pour qu'une auto s'arrête. Regard triste et le teint pâle, il nous faisait penser à ces masques de carnaval, aux sourires figés. Et l'on devinait sans raison qu'il n'était pas pareil. Et l'on devinait sans raison qu'il n'était pas pareil. Tom. Parce que il sur avait son carton, écrit, il avait marqué Marseille. J'avais une il avait quoi partout. C'est pas pareil. Ouais, l'avènement c'est pas du prolétariat. Je suis pas du sud-ouest, mais je te dis, c'est pareil comme... L'avènement du prolétariat... Dire, le sud-ouest, c'est quelque chose... C'est quelque vas-y, chose... continue, parce que l'autre, il va nous plomber la soirée. Là, avec l'avènement du prolétariat... Bolchico, c'est une situation quoi, géographique sympathique. Faisait gaffe, c'est comme c'est un yankee. L'avènement du prolétariat... You do to take care, because l'avènement the producer du prolétariat yankee. Les fera disparaître plus vite encore. Ah, punaise. L'action commune des différents prolétariats Dans les pays civilisés, ouais, tout bah, au c'est moins, c'est optimiste. Hein. Des premières ouais. conditions de leur émancipation. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça va arriver. Vois, c'est abolissez l'exploitation de l'homme je par l'homme rêves, et vous abolissez l'exploitation d'une nation par une autre nation. Peut-être couper un lorsque l'antagonisme des c'est classes vrai. À l'intérieur des nations fais aura gaffe, disparu, l'hostilité de nation à nation disparaîtra. Vas-y, attends, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, oui, oui, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Attends, on va faire une émission de rappeur, faisais gaffe. Ouais. On se donne un lyrique maintenant, on devient lyrique. Vive la musique classique, allez, vive la musique classique. On va y revenir. Spécial dédicace. On va y revenir, simplement pour y trouver une autre inspiration. On peut y revenir, ouais, si tu veux, en même temps, là, tu arriverais en même temps. Vas-y, remettons. Ouais, tu m'entends? Oui. On y arriverait, là, tout de suite, tu peux le remettre? Le refaire? Ça fait plus de bruit. Refais-le, vas-y, vas-y. Ah ouais. Non, ce que je disais, c'est qu'on pouvait revenir à la musique classique pour retrouver une deuxième inspiration. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Ou 4 ou 5, hein, parce qu'en fait... Je voulais pas qu'on soit lésé, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est même pas hypnotique, c'est... Musique cubique. Je veux dire, c'est automatique, c'est même pas... C'est dans, bon, on va situer un peu les âges, quand même. Peut-être une histoire d'habitude aussi, peut-être, je sais pas. Par rapport à ça, je suis plus dans le monde qui fabrique, je suis dans le monde qui regarde. Ah ouais, je pensais que t'étais encore dans le monde qui détruit. Les deux se font. Possible. Mais c'est pas l'intention. Personne détruit, c'est pour ça que je disais ça. Parce que maintenant, c'est... Ouais, bah, tout le monde veut construire. Tout le monde veut consommer, produire... Presque, ouais, c'est ça, c'est comme un. La question, c'est l'idéologie. Je comprends rien de ce que vous dites, les gars. Politique, religion. Mais je comprends pas. On va du bruit, on va du bruit. Faire péter des pétards. Dès que l'homélie recherche son annihilation. On va du bruit, on va du bruit. C'est pas le nouvel an chinois. Voilà, Jog. Le nouvel an chinois, le nid. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Je vais vous raconter quand même un truc énorme. Un jour, je déboule à Paris et tout, et qu'est-ce que je vois? Une église qui s'appelle Notre-Dame de Chine. Et en fait, c'est dans l'avenue de la Porte de Choisy. Et là, qu'est-ce que je vois après? Un truc d'oco qui tourne. Et en fait, c'est quoi? C'est la mairie de Paris où ils souhaitent un bon nouvel an chinois. Et en fait, ouais, il faut tout un flanc, tu vois, dedans, parce que j'ai fait tout de suite le rapprochement, les trucs avec halal, machin, pas halal, tu vois, tout ce que tu veux. Uh-huh. Et l'autre, ça y est, parce que c'est des shintok, plouf! Ça le fait. Non, mais fait. Ils sont sages, les Chinois. Ah, non, non, mais non, de Choisy. Pas, non, ils sont pas plus sages que les porte autres. Porte de Choisy chinois, ça alors. Le fait pas quand même. Made in China. On s'en fout, alors ça, on s'en fout. Moi je veux du made in China, les gars. Ils sont à Belleville, ils sont. Ah ouais, le truc le plus mortel, c'est que par exemple, dans plein de tabac, alors c'est quand même symptomatique parce qu'on sait comment pouvoir. J'ai un tabac, les yeux bridés. C'est plein de chintok. Dans le fion. C'est pas écrit en asiatique? Non, à Porte de Choisy, oui. Mais dans les bistrots de Bougnat. Porte de Choisy, Porte de Choisy. Mais les mecs, ils font pas plus déplacer ou. Maître de Taine, Tandis le roi. Quant aux accusations portées contre les communistes au nom de la religion, de la philosophie et de l'idéologie en général, elles ne méritent pas un examen. J'ai déjà entendu ça, qui est moi, il y a longtemps. Est-il besoin d'un esprit bien profond pour comprendre que les conceptions, Mao, il a dit les moi, notions moi, et les moi, vues, dit moi, en un moi, mot que moi. La conscience de l'homme change avec tout changement survenu dans ses relations sociales, dans son beau, existence sociale. Que démontre l'histoire de la pensée, si ce n'est que la production intellectuelle se transforme avec la production matérielle? Les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les idées de la classe dominante. Lorsqu'on parle d'idées qui révolutionnent ouais, parce que là, une société t'as fait tout entière, on énonce seulement le fait marre, que je veux me buter dans avec le sein une de la mais société, on voit du bruit, une poutre de Bamako. Les nouvelles sociétés se sont formées à Babacon, en Cornouaille, dans le Devon, et j'ai mangé des fish and chips qui étaient classés au numéro 2 pour l'Empire britannique. Les vieilles religions et en fait, par la religion c'était des frites moins bonnes qu'en Belgique Quand au XVIIIe siècle, et les heureusement idées j'ai enlevé la panure parce que place, le poisson était bien cuit. La société féodale livrait sa dernière bataille. Je voulais te dire que si t'avais envie de te buter, c'était pas bien grave. On avait déjà tout inventé. Mais je suis en fait, déjà on mort. Est que dans la répétition pour l'instant. C'est ça exactement. Répétons. On refait la même. Ouais, répétons. Ad vitam aeternam. Mais pourquoi il veut toujours qu'on lui refasse la même? Bah, c'est toujours la reproduction des moyens de production. Ah, parce que si on fout toujours la même, il nous faut. Écoute un peu. La poutre de Bamako. Que merde quoi. Est-ce que vous avez... Je la veux. Est-ce que vous avez jamais pensé... Je la veux en moi, tu sais. Tu le veux en toi, l'apôtre de Bamako. Ah ouais, je la veux, c'est tellement. Est-ce que vous pourriez en fait, vous imaginer... C'est vrai qu'il est bien dessiné. Pour à travers ses transformations. Il fait environ 1m80. Éclatez-moi la tronche. Il joue du balafon déjà, mais après il peut jouer avec vos beats, les gars. Ouais. Mais tu vois pas qu'on cherche encore le sujet avec nos beats. Ouais, non, mais après. Je sais pas, on peut parler de mon cul si vous voulez. Ça fait non, non, non, non, on va trouver meilleur sujet. Tout va bien. Merde. Ah non, parce que tout va bien, ça c'est mal barré là. Je voudrais parler des citadins. On peut écouter le manifeste du Parti communiste. À quoi se réduit cet objet? Ah si, tu peux y aller là. Vas-y, parce que vas-y, ça vient d'un temps. Une... Non, parce qu'en fait, c'est vrai. Et en plus, c'est énorme parce que je l'ai lu et relu. Moi aussi. Il y a une, défense du capitalisme c'est qui est énorme. C'est quoi? À de différentes époques. Manifeste du Parti communiste. Ah ouais? Il y a une défense du capitalisme, la bourgeoisie, la révolution bourgeoise, l'industrielle bourgeoise. L'exploitation d'une partie de la société par l'autre est un fait commun à tous les siècles antérieurs. Donc, rien d'étonnant à ce que la conscience sociale de tous les âges, en dépit de toute divergence et de toute diversité, se soit toujours mue dans certaines formes communes, dans des formes de conscience qui ne se dissoudront complètement qu'avec l'entière disparition de l'antagonisme des classes. La révolution communiste. La révolution communiste. La révolution communiste. La révolution communiste. La révolution communiste. La révolution communiste. La révolution communiste. La révolution communiste. La révolution communiste est la rupture la plus radicale avec les rapports de propriété traditionnels. Rien d'étonnant à ce que, dans le cours de son développement, elle rompe de la façon la plus radicale avec les vieilles idées traditionnelles. Cependant, laissons là les objections faites par la bourgeoisie au communisme. Ainsi que nous l'avons vu plus haut, la première étape dans la révolution ouvrière est la constitution du prolétariat en classe régnante. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui ne bat pas son plein. Et question d'expression, j'aimerais donc tant vous dire que je vous encule profondément avec du cul dans le fion. Voilà, donc j'aimerais aussi vous éclater la tronche avec une poutre, quoi, avec mon cul. Et donc dans le fion, justement, j'ai parlé à l'autre gars tout à l'heure, celui qui me disait vas-y s'il te plaît, et moi j'ai dit bah non, parce que en fait j'avais pas envie. Mais par contre, dans l'autre sens, il y a peut-être moyen que le mec il m'éclate la tronche avec son foutre, hein, pour changer. Et c'est là que le fion il vient en acte, tu vois. Tu vois, le fion il rentre en acte, quoi. Bon, t'as envie de parler de ton fion? Ouais, mais je parle que de mon fion, mec, tu me connais pas. Mais tu sais, c'est radiophonique. Hein. C'est ça. Nique, nique, nique. S'en foutre. Nique, ni tête. S'en foutre jusqu'en dessous des écailles. Et des tétons pleins. Le fion, c'est comme marxiste-léniniste, c'est aussi ça. Ouais. C'est que la première internationale, c'est lui qui fait la scission. Et c'est là que moi je suis en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net dans l'émission Nuisance? Et c'est là que le mec il répond, j'en sais rien, j'en ai un peu rien à foutre. Mais on cherche le sujet. On a présenté l'émission, mais on cherche le sujet. Ah, d'accord, si tu veux. Moi j'en ai rien à foutre. T'es de tous les émissions. Non, mais c'est ça, tu connais pas. Ici on en a rien à foutre, d'accord? Tu comprends? D'accord, d'accord, ça marche? Ok, voilà, vas-y, t'as qu'à leur dire d'aller se faire enculés, tout ça, tu vois. Non, parce que là, c'est quand même. On peut leur dire d'aller se faire enculer ou. C'est super exceptionnel qu'on fasse les moins énervés quand même. Ouais, c'est calme encore. C'est plutôt calme. Donc, tu peux leur dire d'aller se faire enculer, les enculés, je veux dire. Normal, quoi. Non, non, je vais leur parler propre. Propre, d'accord. Mais ça va pas être moins grave. Ça va pas être moins grave. Bon, ça va alors. Ça me rassure. Dire mettre une lampe exactement là où je me fais enculer. Et amélioration des terres cultivées. Sodomie. Excusez-moi. C'est en fait l'œuvre de Marx, c'est plus ou moins ça. C'est mettre une lampe à l'endroit où je me fais enculer. Voilà. Organisation d'armées industrielles. C'est ça, ouais. Non, mais tu mets une glace. Pour l'agriculture. Oui, c'est non, ça, c'est lui qui te permet de faire ça. Moi, combinaison du trement. Les gens qui ont le plus senti. Combinaison. Mais tout est beau, tout est vrai, quoi. Le truc le plus intéressant à terme de ce débat, c'est. On va dire, c'est un peu vieux, c'est je veux dire, les situationnistes et après les apathistes. En gros, il y a un truc comme ça post-moderne. Qui a réussi à émerger, quoi. Mais c'est quoi, 0,0004%, 3%, j'ai toujours des problèmes avec les mondial, je parle sur 7 millions, 9 millions, 7 ou 9 millions, 7 millions. I've got to say something good about me. Donc après, tous ces débats, ils sont, c'est quand même du truc du cul c'est quand même du truc du cul des gens qui ont rien à foutre d'autre que penser. Et que la majorité de moi sur 7 milliards, il y en a bien... Allez. C'est vrai qu'il y a force de trop penser. Qui sont I love pas, to fuck myself in the ass oui, with my penis. Il doit y avoir 3 milliards à peu près qui sont dans le confort moderne actuel. I'd like to fuck myself in the ass with my penis in the mouth. Ouais, mais enfin bon, il y en a peut-être 3 milliards qui sont dans le confort, mais... And blood. Dans les 3 milliards qui sont dans le confort, il y en a combien d'heureux, quoi. Le paradoxe, par exemple, ça c'est vrai. Le paradoxe du capitalisme actuel mondial, du moins de... Blood. Blood. Combinaison d'utrements, c'est d'avoir augmenté les écarts de richesse combinaison en augmentant de manière constante la richesse globale. Il pourrait y avoir une idée super subtile. We've gotta have le nombre de pauvres, to die about. Nous devons mourir pour quelque chose. Un chiffre exponentiel énorme. C'est-à-dire que même si par exemple sur 7 milliards, il reste 1 milliard de pour être beau. Il y a 6 milliards qui sont à 2 dollars par jour en moyenne. Du travail des enfants dans les fabriques. Et on était que 1 milliard il y a 100 ans. Combinaison de l'éducation là, y avait, avec la production aérienne. Des gens qui avaient dans le cul. Niveau de vie à 3 les antagonismes des classes une et fois disparus dans le cours du développement avait, et toute la production concentrée dans les mains des individus associés. Je m'encule. Le pouvoir public perd son caractère politique. Public. Machin parce que tout le monde est un peu dans le confort moderne quoi dans le premier monde. Et le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre. Pour 80% de la population. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Pour 80% de la population, il n'y a pas de raison de se rebeller. Mais tant qu'on a à manger en fait. Bah, mais non, trouve la richesse. Attends, on a plus qu'à manger ici. Ah, non, mais le problème. Ça, le truc. Mais les gens, ils n'ont pas. Heureusement d'ailleurs. Où se trouve la richesse dire, c'est un rapport de production. Ils se prennent la tête pour leur pouvoir d'achat, c'est qu'ils sont. Ils se prennent la tête production. Pour leur conditions pouvoir d'achat. Bon, faut pas chier sur les questions de nécessité quand même. Voilà, c'est pas. Détruit les classes en général. Il faut être relatif, parce que je veux dire, il y a encore justement 4 milliards de gens dans la planète qui n'ont pas notre niveau de vie. Même à nous qu'on est. À la place de l'ancienne société bourgeoise. On est pauvres, entre guillemets. À la place de l'ancienne société bourgeoise. À la place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classe, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre il développement. Il va faire une rupture printanière, je pense. Troisième partie. Il veut nous amener aux études. Littérature socialiste et communiste. Que nenni, que nenni. Que bitch à cul, quoi. Grand temps. Mais oui, c'est quoi ce truc? C'est la campagne qui te rend zen et tout. Je suis pas zen. Mais tu vois, ça c'est. Pourquoi il y a des élections? Les citadins qui se mettent au vert, tu vois, pendant un temps. Après, tu sais, ils ont trop d'énergie. Ils veulent devenir Baba Cool. Ouais, le fion, c'est cool. Ils veulent devenir Baba Cool. Non, j'adore le fion, c'est vrai. Parce que même au âge, si on a fait punk, tu sais, la seule raison pour laquelle on a pu faire punk, c'était parce qu'on voulait plus être Baba Cool, tu vois. Non, regarde, il a lavé son t-shirt avec du White Spirit, il est tout blanc. Ouais, c'est ça. Ah bon. Mais de l'oxygéné, ça va mieux. Être question d'une lutte politique sérieux. White Spirit, c'est cancérigène. Hein. Oh, on s'en fout. Putain, ça c'est un truc post-moderne. Parce que attends, c'est un truc qui va faire le sodomie qui arrive à sodomie. Parce que franchement, ça veut dire quoi? Et là, je veux pas faire le vieux papy, mais j'ai quand même connu le monde où on se posait pas autant de questions sur notre devenir. Moi, je voudrais commencer par le départ, tu vois. Post-moderne, j'ai pas bien compris. Et il faudrait peut-être commencer par facteur moderne. Tu vois, et à partir de là, la je vais peut-être tout comprendre. Oui, la poste. Un service public au service du peuple. Un facteur avec un super motard pour la ville. Peuple. Qui roule en super motard en ville. Ah oui, tu vois, la poste. Comme tu les motocrottes avant. Tu sais, un petit peu comme. Eh, ça serait la poste, devenez vous-même, comme l'armée de terre. Genre, les gars, tu sais. Et comme les livreurs de pizza et tout. Et après, ça fera bien. Hein. Ah ouais. Ça fera bien. Les gonzesses, elles feront putain, ouais, un postier, vas-y, je vais me taper. Non, je peux pas chier sur l'armée parce que c'est des gens, c'est des gens qui vont peut-être claquer pour nous défendre et ça me fait chier de dire quoi que ce soit sur l'armée. Tu sais, c'est un truc, le seul truc que je défends de l'armée française, c'est, putain, ça paraît paradoxal, c'est la Légion. Oh, parce que la Légion, merde. C'est super étrange. Non, non, c'est vrai, oui, je voulais faire un film. Parce que c'est un truc, alors, tu sais pourquoi? C'est un corps d'armée que je respecte. Non, mais vous savez pourquoi, moi, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans la chanson de la Légion, c'est Tiens, voilà du boudin, c'est la chanson officielle de la Légion, c'est déjà énorme. Parce que quand même, pour les militaires, une chanson comme ça, c'est quand même énorme. Ah bah, tu sais, et la fin, en temps tu sais guerre, ce qui se termine il y a pas toujours, hein. Et tu sais ce qui se termine, c'est. Dans le dernier couplet, il y a Et les Belges n'auront pas. Et en fait, je trouve, moi qui connais les Belges et qui vécu en Belgique et tout, je trouve ça, c'est, ça c'est, tu vois. Et je me suis posé des questions sur la Légion et un truc. C'est l'histoire des vieilles colonies. Un truc que non, mais que je vais vous apprendre en 45, la Légion, dès 39, 45, c'est que plein. La majorité, c'est des réfugiés espagnols de la République. 39-45. À l'époque, entre 39 et 45. À la fin de la guerre d'Espagne, quoi. Oh, mais tu compliques. Attends, non, c'est pas pour te compliquer, c'est ce qui m'a trouvé le paradoxe. Bien, et à partir de 45. Tu peux trouver le générique des dossiers de l'écran. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et ouais. Oh putain, je devrais faire. C'est moi, je. Mais attends. Faudrait demander à nos éditeurs qui a vu le film quand même. Ouais, mais non, tu te rappelles pas quand t'étais petit et tout, ça faisait super peur. Je me souviens, putain, j'avais super peur. C'était le mercredi. Quand j'étais petit, il y avait Thierry Lapson et Ivanoé. Il faut qu'on dise de la merde, les gars, sinon. Ouais, vas-y. Sinon, c'est pas bon, quoi. Ouais, c'est ça le producteur. Non, non, parce que moi. Non, je disais. Alors, déjà, je voudrais m'excuser. Tu joues du piano et tout, on dirait. Non, mais ne t'excuse pas, dans la merde, t'es génial. Non, non, je suis dans la merde, justement. Il faut que je m'excuse. Pour que vous me sortiez de la merde et que vous soyez couvert de foutre, quoi. Ah, d'accord. Dans le procédé, c'est un symbole, c'est. Bah écoute, je sais pas. C'est mythologique. Pète ta glace, pète ta glace. Et... Bon, d'accord, la glace est là pour me protéger de moi. Mais voilà, et tu vois, c'est notre rempart, c'est notre forteresse, c'est notre légion à nous. D'accord. Ah, et pour finir, ouais, tu sais quoi, et à partir de 45 jusqu'à 50, c'est-à-dire toutes les guerres coloniales, justement, c'est-à-dire. L'Indochine et le. Alors, pour vous expliquer, donc, cher auditeur, Nuisance n'est pas une émission de discute, Nuisance, c'est une émission de merde. C'était que fidélité de nazis. En fait, contre la haine, le sucre de betterave et l'eau de vie. Je le dis, c'était que des nazis pour. De même que le prêtre et le seigneur. Oh putain, c'est dans le rouge, non? Non. Féodal. Oh là là. Mais c'est le dieu de la distorsion, en fait. Non, ça va. Prêtre et le seigneur. J'ai un bobo là. De du même seigneur. Que le prêtre S-A-I et le seigneur. Ou S-E-I. Ça va mieux là peut-être. De même que le prêtre et le seigneur. Non mais là on entend bien, c'est bon. Ça va mieux là. C'est bien. De on même entend. Que le prêtre. Bon. Je voudrais m'excuser auprès des auditeurs. De même que le prêtre et le seigneur. C'est la campagne, faisait gaffe, il devient. De même que le prêtre et le seigneur saigne le cochon, nous faisons du boudin à la maison. De même que le prêtre et le seigneur féodal marchèrent jadis la main dans la main. Voyons-nous aujourd'hui. Le socialisme clérical marchait côte à côte avec le socialisme féodal. Bon. Rien n'est plus facile que de recouvrir d'un vernis de socialisme l'ascétisme chrétien. Et tu nous ramènes en quelle le année, christianisme, lui aussi, ne s'est-il pas beaucoup élevé changé, contre la propriété privée, non, le mariage, changé, l'État bon, retour en arrière, là. Et ouais, alors... Bah, tu changes clérical par... À l'époque de l'évolution, il faudrait qu'on pense autre chose qu'idéologie et religion, quoi. Bon, bah, en tout cas, bourgeoisie, ça marche encore, hein. Mais on est d'accord. Bourgeoisie, attends. Et tu vas rencontrer des gens et ils ont un max de blé, ils savent pas comment l'utiliser. Et la seule chose qu'ils ont, ils ont peur de le perdre. Ils l'ont eu où leur blé ? Qui c'est qui a souffert pour avoir ça ? Mais écoute, le problème, c'est ceux qui produisent le blé en fait. Non, c'est juste le bonheur, il est partout, comme la richesse. La richesse, t'es riche de quoi, toi ? Je vais t'expliquer. Moi, mon expression, c'est butons les riches. C'est général. Butons les riches. La seule classe dont les conditions d'existence s'est violée. Et des cornes. Pendons-les haut et court, comme la France a fait avec nos rois et tout, ce machin. Les petits paysans du Moyen-Âge. Par les pieds, comme Mussolini. Étaient les précurseurs de la bourgeoisie moderne. Nous avons fait une erreur. Dans les pays où le commerce... Mais on est une erreur. On est une erreur. Pourquoi ? Cette classe continue à... C'est de la merde. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 1789 ? Ils ont coupé les bourgeois. C'est des bourgeois, c'est eux. Laisse-moi aller au bout. 1789, ils coupent la tête des rois. C'est la révolution. Sortie de révolution, ils se coupent la tête entre eux. Bon, ok, pas de problème. En finalité, Napoléon, il sort les canons dans les rues de Paris, il tire à boulet rouge sur la foule, et le lendemain, il met des guichets. On embauche dans l'armée. Bah, ceci dit, il y avait du potentiel en France. Du potentiel, mais c'est quoi ? C'est capitaliste, ça ? C'est ambition, ça ? Du potentiel. Ouais. C'est quoi cette... On avait besoin d'aller vers Écoute un ailleurs. Écoute bien, avant de définir mes propos, non, je te dis pas à tes quoi propos, je viens. Moi, je te parle de social, tu me parles capitalisme, parce que je t'ai parlé de potentiel. Le potentiel, c'est comme la richesse. Ça peut être dans beaucoup de domaines, et le potentiel, ça peut être dans beaucoup de domaines j'en aussi. J'en ai pas de potentiel, moi. La politique, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, mais ce qui m'intéresse, c'est l'expression. Radio, regarde. Moi, c'est l'expression de la souffrance des gens. L'expression de la souffrance Alors, des gens. Alors, ces gens de qui souffraient, ces gens, qui ont fait la révolution. Et les gens qui souffrent, c'est moi. Il était naturel que des écrivains... prenant fait et cause pour le prolétariat contre la bourgeoisie, devait critiquer le régime bourgeois et défendre le parti ouvrier au point de vue du petit bourgeois et du paysan. C'est ainsi que se forma le socialisme du petit bourgeois. Sismondi est le chef de cette littérature, aussi bien pour l'Angleterre que pour la France. Ce socialisme analysa avec beaucoup de pénétration les contradictions inhérentes au rapport de production moderne. Il mit à nu les hypocrites apologies des économistes. Il démontra d'une façon irréfutable les effets meurtriers de la machine et de la division du travail, la concentration des capitaux et de la propriété foncière, la surproduction, les crises, la misère du prolétariat, l'anarchie dans la production, la criante disproportion dans la distribution des richesses, la guerre industrielle d'extermination des nations entre elles, la dissolution des vieilles mœurs, des vieilles relations familiales, des vieilles nationalités. Le but positif, toutefois, de ce socialisme des petits bourgeois est soit de rétablir les anciens modes de production et d'échange, et avec eux les anciens rapports de propriété et l'ancienne société, soit de faire rentrer de force les moyens modernes de production et d'échange dans le cadre étroit des anciens rapports de production qui ont été brisés et fatalement brisés par eux. Non, mais il faut se prendre la tête, c'est sûr, sinon on avance. Dans l'un et l'autre cas, ce socialisme est tout à la fois réactionnaire et utopique. Pour la manufacture, le système des corporations, pour l'agriculture, des relations patriarcales. Quelqu'un qui se pense pas en société, tu vois. Moi, il apporte aucun sens, si tu veux. Et les gens qui vont. Ça peut être un sujet malade, écoute, quoi. Voilà, de qui écoute, ça peut être David Guetta ou un mec qui faisait du porno. Non, mais David c'est Guetta, un milieu ça n'existe quand... pas pour moi. Ça. Bah ouais, mais ça n'existe pas, justement. Non, mais pour moi. Par contre, je veux dire, aujourd'hui, à mon jour d'aujourd'hui, David Guetta n'existe pas. Quand j'étais jeune, j'avais besoin de quoi ? D'un peu de musique, un peu de bière, des copines, et puis on découvre la vie. Mm-hmm. Et les choses évoluent, il ne faut pas mais maintenant, dans la société du spectacle, mon gars. Le spectacle, il faut avant tout le faire pour soi. Et on le fait pour les autres. Ok. Bon, si c'est l'argent qui intéresse, on met tout sur l'argent. Et puis à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, la subvention, dit, subventionner David Guetta à hauteur de 400 000 euros pour qu'il il fasse un truc à Marseille. Non, tu vois le truc, quoi. Il y a des questions de subsistance, ça c'est normal. Une subsistance à 400 000 euros, le gars il se ramène avec deux clés USB, tu sais. Il fait non, entre je dis ça, je veux dire, je fais 400 000 euros, il a besoin. T'sais. Je pars pas de 400 000 euros. Moi le chiffre, même pas ça m'interpelle. Tu vois, que ce soit 400 000 euros, 2 000 euros, 4 euros, ça dépend de la circonstance. Ça dépend simplement de la circonstance. Ouais. Le jour où il t'en faut 400 000 pour faire quelque chose, t'en as 4, ça passe pas. Non mais attends, on a besoin de faire quelque chose, à mon avis, il y a des trucs plus graves que de subventionner un mec qui va faire un concert à la con. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ça qu'il faut interroger, il me semble. Non, moi, déjà, ça... C'est pas la somme, c'est ce qu'on en fait. Même pas dans le système. Pour moi, déjà, je me demande pourquoi ça existe. Et si ça existe, c'est parce que c'est promu quelque part. Et puis, faut pas oublier tout le bluff qu'on fait à côté des choses en disant c'est 400 000 euros. Donc, on dit aux gens, c'est important. Quelque part, on leur dit, c'est important. À eux de le croire ou pas. Les 400 000 euros, moi, je les ai pas vus. J'ai pas vu. On parle de beaucoup de choses dans cette société. Ouais, la musique, tu peux pas la cautionner, quoi, déjà, cette musique-là. Non, mais... On ne montre jamais un chiffre, on te parle des choses comme ça, en te disant, ça c'est tant de pourcentage, d'ailleurs c'est pas dur, quand ils vont te parler des excès de vitesse et pour justifier les radars, on va te dire, oui mais il y a 60% des personnes qui trouvent qu'on n'est pas assez prudent. Non, mais justement, alors qu'on est, on trouve qu'on est, on nous réduit notre liberté. Justement, tu parles de chiffres. Non, effectivement, il y a des gens qui font un peu n'importe quoi avec les chiffres, mais il me semble que justement, il faut se réapproprier. C'est-à-dire que normalement, tout devrait être transparent. Alors comment? La société a créé des choses. Je veux dire que avant les politiques, aujourd'hui. This is what we call a Larson. This is a phenomenon caused by the sound system, which is overwhelmed by saturation on both equalizing bands. It leads to a quite disturbing sound. It sounds like whistling in your ears and can shatter your brain. Ça peut cramer un cerveau à Larson. Et après, c'est vachement dur. Bah, t'as Napoléon qui a fait pas mal de trucs. Il y a une définition de la société déjà. Et ensuite, il y a eu différentes sociétés. Les sociétés, c'est comme les économies mondes, si tu veux. C'est à des endroits différents. Et dans l'espace, dans le temps aussi. Quoi. On va parler en France. Quelle société alors? On va dire en France. Alors, donc, la société française. Donc, il y a eu une époque où donc, justement, Napoléon. Ces lois sont restées très... t'as encore des lois qui fonctionnent aujourd'hui. Bon, maintenant, les choses deviennent... on arrive à ne plus les interpréter juridiquement. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que égaux en droit, mais parce que n'est pas le droit. La loi sur la loi, la loi sur la loi, pourquoi? Parce que si... Pourquoi on fait plus de lois? Parce qu'on ne fait pas confiance au système judiciaire. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je pense que la société se complexifie. Mais c'est pas, c'est pas une mauvaise chose à la base. Tu fais plus confiance aux lois. Ça, c'est une... Non, mais c'est pas ça. Non, si tu veux, c'est pas une discussion, le fait d'écrire des lois. Les gens qui décident ça, c'est des gens pour lesquels on a voté et qui sont censés nous présenter. Mais le problème, c'est que la question de savoir quelle loi proposer et voter, c'est pas nous qui le faisons ensemble. C'est seulement les gens qui nous représentent. Et ça vote. Ça s'écarte très très loin de notre quotidien. La question que faire, on s'en débarrasse. Depuis 10 ans, c'est de plus en plus rare. Parce que maintenant, les lois qui sont votées, excuse-moi le lapsus, ce sont des lois de copinage. Si on te dit, bon, aujourd'hui tout le monde pleure sur les retraites, et par contre les gens vont s'en dire. En fait, même les lois qui sont proposées, j'ai l'impression que ça fait. Enfin, il y en a qui vont dire que c'est une évidence d'ailleurs. Moi je connais pas grand chose en politique, mais ça fait partie du discours politique en fait. La loi, c'est pas de la politique, c'est du social. Ben, a priori, oui, mais il me semble que, comme tu dis, c'est une affaire de copinage. Ça sert des intérêts particuliers, en tout cas, des gens qui ont des objectifs qui sont les leurs, et ça n'a pas forcément de l'intérêt général. Et droite et gauche finit par ne plus avoir de sens. Et oui. Pourquoi ? Parce que la politique, depuis des années, est faite de la même façon. Et la seule chose, c'est qu'on petit à petit, on se fait prendre d'un pour les gouvernements absolus, une rapide. Avec leur cortège de tu vois, t'as deux souris et tout un fromage. De hauts bureaux et de bureaucrates. Elles veulent le partager. Et d'un seul coup, il y a une cigogne qui arrive et dit ah, bah, bougez pas, parce que t'as une des souris qui lui dit eh, attends, si tu coupes, tu vas te couper un gros bout pour toi, tu vas me laisser. Pour les gouvernements absolus. Puis la cigogne avec dit mais bougez pas, moi je vais le couper, votre fromage. Et elle le coupe. Les deux faces, parce qu'ils ne sont pas tout à fait égaux, tu vois. Pour les gouvernements absolus. Et là, à partir de ce moment-là, les souris, elles commencent à pleurer. Elles disent, mais attends, ouais, mais enfin bon, c'est pas vraiment égal. Alors la cigogne, à chaque fois, elle te met un coup de bec dedans. Et là, elle est contente, parce qu'à chaque fois, elle se gaffe, tu vois. À chaque fois qu'elle met un coup de bec, elle se gaffe. Mais le bout n'est pas toujours égal. Et d'un gros morceau, elle se retrouve avec deux petites boulettes qui sont toujours pas égales. Et à un moment, elles disent pour les gouvernements absolus, c'est bon. Avec leur cortège de tout ça va bien, je prends la main. Et toutes les deux partent avec leur main. T'as compris l'histoire? Ah, j'ai bien compris. Et c'est vrai que, en fait, avec leur cortège de t'es pas content, l'autre t'es pas content. Eh ben vas-y, tu donnes du jeu au milieu. Pas forcément pour des dignes. Pour les gouvernements, tu donnes du jeu au milieu. Avec le problème, c'est qu'il faut vraiment s'impliquer, il faut vraiment essayer. Si on ne veut pas s'en donner la peine, c'est qu'on est des cons. Et si on est des cons, on mérite d'être traités. Avec leur cortège de prêtres, de pédagogues, c'est bien ce qu'il faut. De bureaux et de bureaucrates. Mais tu sais, on a déjà du mal, les gouvernements, pas mal de temps qu'on vit avec leur cortège de prêtres, de déconstruire de bureaux et de bureaucrates. Parce qu'en fait, on s'écarte, pour les on s'écarte vraiment de avec la connaissance de ce qu'on est. On ne peut pas dire il y a nature et culture. Justement, on déconstruit la culture. C'est un pire envie, c'est faire. Tu pas à faire de lien entre ce que tu vas vivre et la vérité. La vérité. Ben, je pense qu'en fait, s'émanciper, c'est ça en fait. Avec leur s'émanciper, c'est ça. J'ai beaucoup plus jeune que toi. Et pour lui expliquer la vie, je lui ai montré la nature. Et puis je lui ai dit, bah, écoute, à quoi l'enfance, c'est ce que t'as envie. Ouais, mais tu sais, si tu comprends ça, moi je trouve ça bien. La nature, pour moi, elle est impitoyable, mais elle est juste. Par contre, ce qui se passe dans notre société, avec les disparités qu'on crée entre les gens, ben, je pense que c'est artificiel et c'est pas possible. La société a besoin de gérer. Pour gérer, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ? Elle fait une culture de la mort. Moi j'ai 56. Et pour les gouvernements absolus, avec leur cortège de prêtres, je ne retrouverai pas de. Enfin, si je m'appelle Jacques Mercier, j'ai 55 ans. Mais pour les gouvernements absolus, avec leur la culture de la mort, nous n'avons pas. Ne pas savoir mourir, c'est ne pas savoir vivre. Avoir peur de la mort, pour les gouvernements absolus, c'est assez délicat. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis ? Quelques accidents de voiture sur la route. De balance des statistiques monstrueuses pour te faire des prêtres. Je me disais, j'ai vécu dans quel monde. On me disait, mais pour l'envoyer, c'est pas. Il faut y aller, quoi. T'as une envie, t'as envie de faire quelque chose. Tu veux le faire, fais-le. Avec leur cortège de prêtres. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je dis ? Je vais vous laisser dans le jeu et vous vous décidez. Et là, vous allez peut-être arriver à 120 ans. Pour les gouvernements absolus, avec leur cortège de prêtres, vous allez vous réveiller dans le jeu, vous allez vous réveiller dans le jeu. Je pense pas qu'on puisse se réduire à ça. C'est pas une question de penser. Je suis pas dans la pensée. Il y a des penseurs qui sont vraiment ça. Concrètement, c'est parce que nous, on est ici, oui, effectivement, c'est ça. Tu regardes les élections en Italie, c'est complètement un. Je veux dire, t'en as un, il dit. foncière. Et l'autre il dit mais moi je donne 1000 euros aux personnes qui sont nécessiteuses. Ni l'un ni l'autre ne pourront le faire. Excuse-moi, ce que tu dis ça m'intéresse. Yeah baby fuck me in the ass. I'm fucking myself in the ass. Pose-moi des questions. Qui je suis? Moi ce que je pense c'est que on est fucking. Comment dire ça? Fucking myself. Moi j'ai pas besoin de te connaître pour parler avec toi. Moi si tu veux. Mais si t'as besoin de me connaître, pose-moi des questions. Work, work, work, work, work, work, work, work. Personnel. Mais pas du tout. Moi, fuck me in the ass. Oui, oui, je... Fuck me. Moi si je peux vous appeler. On discute, on part. S'ils veulent pas m'écouter et qu'ils disent bon bah. Donc j'aimerais intervenir sur le sujet que vous abordiez là. Je trouve que j'ai rien compris. Vous pouvez répéter. Bah, c'est toi. Non, vous pouvez répéter. Mais viens t'asseoir, prends une chaise, prends une bière. Allonge-toi, mets-toi sur le divan. Bon bah retourne derrière ta glace. Qu'est-ce que je te dis? Choisis. Mets-toi sur le divan, vas-y, mets-toi sur le divan. Ouais. Mets-toi sur le divan. On arrive à trouver un sujet petit à petit, tu vois. Un sujet ou un sushi? Un sujet. Un sujet. Après, ça sera un surjet et peut-être un sujet tout simple. Non, c'est bon. Marche plus. Je voudrais parler de la merde, j'ai dit. Faisons-nous chier, allez, on se fait chier. Faisons-nous chier. La merde, ça pue le caca. Ouais. Et je veux dire tout simplement qu'on a tous été petits. Et on grandit petit à petit parce que en fait, on vit dans un pot en fleurs. Un pot en fleurs de terre. Et il est parti, il a même pas pris une bière. Et du coup, on se fait martyriser par les ronces. Les ronces, elles, c'est pas comme des fleurs. Non, parce que t'es dans un pot de fleurs, donc... Ouais. Non, c'est dans un pot en fleurs. Ce serait pas une framboise. Un pot en fleurs. Et en fait, quand t'auras épuisé les ressources qu'il y a dans ton pot, eh ben, tu vas mourir, mais tu retourneras pas à la terre. Non, bon, parce que t'es un pas de la mort. Non. Ouais, la mort, ouais, on va parler de la mort maintenant. Ton pot sera ta tombe. Nuisance, la mort, le sujet tabou, le premier qu'on a abordé dans l'émission 26, tabou, aligné à Tirabé, K27, 7, la 5, mort, 6. La mort, c'est ton bout, tu as accepté d'être tu serais l'un des seuls. Ton pote, pas... Ta mort, 12. C'est ton bout ou ta boue? Je suis la mort. Non. La mort qui pue du fion, l'encul. Vive le pathos. L'encul qui pue la merde au fion. Vive le pathos. Je m'entends pas. Pourquoi il n'y a pas de retour dans ce casque? Mais ouais, parce que c'est l'ingénieur. Tu pues, alors du coup je te baisse. L'ingénieur qui n'est pas du tout ingénieux. Tu es mon fils. Ça veut dire que je suis ton père? Non, c'est moi le père. Ah, donc le je suis pape le est mort. Le pape est mort. Le pape est mort. Le pape n'est pas n'est le jamais mort. Le pape est mort. C'est vrai, le pape n'est jamais mort. Il est jamais arabe. C'est bizarre. Hein. Non, c'est pas une question de nationalité ou de religion plutôt. Il on est jamais s'en bat mort les parce couilles. Que dès qu'il disparaît, il on réapparaît. S'en bat les couilles. On s'en on bat les couilles. Avant c'était un peu. On s'en bat les couilles. Avant c'était un peu le pape est mort, vive le pape. On s'en bat les couilles. Maintenant c'est une carrière maintenant. s'en bat les couilles. On s'en bat le fion. On s'en bat les couilles. Tu crois qu'il faut avoir quoi comme le pape est mort pour faire pape. Le pape est mort. S'en bat le fion. S'en bat les couilles. Il faut avoir envie quoi. S'en bat les couilles. Franchement, il faut avoir envie de. On s'en bat les couilles. Faut pas avoir envie de vivre en fait. On s'en bat les couilles. Non, faut avoir envie d'être pape. Ils sont morts ce soir. Moi personnellement, franchement, ça fait rêver. À force de les battre. J'aurais pas envie d'être pape, tu vois. J'ai pas envie de me balader avec trois gardes du corps. L'important c'est pas avoir une grosse bite, d'avoir des couilles. J'ai pas envie de me battre avec un aquarium sur roulette. En leur disant non, non, laissez-moi vivre. On s'en bat les couilles. Le pape. Bon, c'est alors, un enculé, il a raté son but avec Non, enculé, c'est pas une insulte. Je le dis toujours, enculé, c'est pas une insulte. J'étais pas en train d'insulter le pape. Ah, mais on s'en fout. Mais je dis, enculé, c'est pas une insulte. C'est important. Si, pour si, moi. Tu voulais insulter le pape et tu disais que c'était un enculé. Je suis pas d'accord. Enculé, c'est pas une insulte. Et donc, le pape dans sa papa mobile, blindé, avec les vitres blindées. C'était quoi, c'est un... Il vit encore dans un autre monde. C'est un 45, quoi. Non, il vit encore dans un autre monde que celui-là. Lui, il a pas envie d'être appelé par Dieu, lui. Il veut vraiment pas être appelé à la mort. Je vais juste opposer deux Dieu, visions, c'est rien. Tu vois. Dieu, c'est rien. Entre le mec rien, c'est Dieu, c'est le qui va sortir en boîte, qui va boire ce qu'il veut, qui va rouler à la vitesse qu'il veut, ça y est. Et qui va s'éclater comme il veut. C'est pour ça que c'est une affaire d'homme. Et il sera responsable, je veux dire, vis-à-vis de lui. Peut-être qu'il va louper un virage parce qu'il aura trop bu. Ça le regarde. Ses amis qui montent avec lui, ils sont responsables. Mais bon, moi j'ai appris avec comme ça, tu te démerdes quoi. À l'époque, j'ai un copain. Une cigarette. Vous êtes pour le moi, je viens te répondre. Hein. Mais oui. Il faut que tu sois plus clair. Pas. C'est une cigarette roulée ou une cigarette pas roulée? Non, c'est une vraie roulée. Ça. Ah, c'est une vraie roulée. Ça j'en prends une. Pourquoi tu fumes? Non, non. Oh, non. Donc, en opposition, si tu veux, t'as les couveuses. Ça veut dire d'un côté, c'est tout open. Et d'un autre côté, c'est la couveuse. Ça veut dire qu'on te met en couveuse à ta naissance. Ouais. Donc. Te baigne pas, t'es pas confronté à l'air ambiant parce qu'il est pollué, et ainsi de suite. Tu vois que de clair, et par rapport à ça, qu'est-ce que tu veux vivre? À mon avis, je suis pas sûr que tu vives 120 ans parce que la vie, c'est à la fois le corps et le psychique. Il faut les deux. Il faut que les deux soient, se sentent bien. Qu'ils arrivent à swinguer ensemble. C'est un peu dire ça, tu vois. Je suis pas sûr que dans les couveuses, c'est suffisamment d'espace. Discuter avec des gens comme ça. Je t'ai rencontré par c'était pas hasard. Ton vocodeur caressé. Trompé de note, excusez-moi les gars. On va la refaire. T'es pas alors, trompé de note, tu t'es trompé de piano. Ouais, je me suis trompé de doigt. Hein. Quoi, tu l'avais où? Tu l'avais où l'autre? Mal mis. Ouais, tu as mal mis et tout. Tu où, joues vachement large, mais bon. Je suis anarchiste. Anaformisme. Je suis commufiste. Et je suis aussi. Fistfucker. Attention, il va falloir le prouver parce que là tu parles à la radio, mais à nous il va falloir le montrer. Ah ouais, mais c'est quoi? Je veux voir mon anus à la radio. Regarde mon anus à la radio. Il sent mauvais, je te l'assure. J'y mets un doigt, ça t'excite. Oh ma salope, baise-moi. Baisse-moi. pas faire si t'étais dans une cave à vin. Moi, ça demande beaucoup d'entraînement. À mon avis, il faudrait commencer par une cave de bière. Ouais, on l'a répété au watt mille fois. On l'a répété au watt mille fois, c'est du John Cage. Attends, tu rigoles ou quoi? Là, je comprends plus rien, excusez-moi, il y avait un mec qui parlait tout à l'heure. Ouais, c'est l'amour du fils. Qui était-ce? Je ne sais pas. Mais tu t'es Jonathan pas présenté. Jennifer. Je me suis déjà analysé Jennifer. Je me suis déjà analysé Jennifer. Tu t'es pas présenté. Je pas Jennifer. Jennifer de Lance. Tu parles à Jennifer de Lance. Présente de toi. Et tu veux parler de Jennifer de Lance? Al. Al. Ouais, c'est Al. Tu veux pas, tu veux pas parler de Jennifer de Lance? Tu connais Jennifer anonyme. De Lance? Qui est l'anonyme? Qui est l'anonyme? Tu connais Jennifer de Lance? Jennifer de Lance, tu connais? Et tu t'es pas présenté non plus. Moi, je suis l'anonyme. Toi aussi, mais il y en a déjà un. Si ça en fait deux. On est des clones. Faut rien. Ils sont ratés c'est qui, là. Jennifer Lawrence. Jennifer de Lance. De Lance. Tiens, je vais refaire de Lance. Wow. Jennifer de Lance. En plus, ça le fait. C'est genre une, ça doit être une teen qui a passé quand même quelques loulous. Donc, une 23 ans, quoi. 27 ans. 30 ans. Jennifer de Lance. Et tu t'es pas présenté? Ah non, mais moi je dirais pas mon prénom aussi. Bah dis pas ton prénom, dis un pseudo. Pseudo comme. Tout ce que tu peux dire ou ce que tu peux penser sur ou exprimer, tu. Sous internet. Tu peux pas le dire. Canal Sud 80. Non, je veux dire que si tu. Ah oui, j'ai si tu veux. Si tu devais t'exprimer en temps, être. 11h. Tu peux pas le dire. 10, quoi, non, 7. Moi je pense que t'es. Si 10, tu veux pas le 11h07, faire, tu as pas tort. L'heure de Paris. Ouais. Simplement pour des raisons de nuisance. Ouais. Mais je parce que tu veux être sûr quand tu veux dire quelque chose. That's what the fuck it is. Fuck. Toucher la personne qui. Fuck me. Fuck me, please. I wanna go around and around again and again. Je les partage avec les gens que je vois vraiment. Salut Paul la poire. Mais si tu fais de la radio, en fait, ça veut dire que tu. Les gens connaissent pas le contexte, tu vois. Alors, la vue. Tu vois. Dans le fion. Merde, je recommence. Parce que j'estime que c'est une prise de risque. Pourquoi? Tu parles à un auditeur qui est capable de parler, qui est capable de se définir par rapport à ce que tu penses et éventuellement. Moi je peux pas leur répondre. C'est pas facile de se positionner devant des gens que tu connais pas. Mais à partir du moment où tu fais de la radio, tu prends ce risque. Et là, tu te positionnes, et puis tu vois. Rodimos. Et puis tu vois. T'as un retour et une sorte d'effet miroir. Kebolbi. C'est pas que toi. Je voudrais vous annoncer que je ne m'en vais pas, pour l'instant, je suis toujours là, nuisance, et les autres aussi sont là pour vous nuire. Donc, puisqu'on parle de nuire. Et à partir de là, donc il y a politiquement correct. Donc, je pense pas que les gens soient. Je voudrais tellement parler de mon fion, tu sais. Dès le devant un auditoire en fait. C'est-à-dire devant un auditoire qui sont vraiment pas mûrs et je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que avant de produire ça, tu vois, de t'exprimer devant un public, je pense qu'il faut bien poser la question avant et savoir si je pose déjà avec mon comportement avant de m'exprimer et dire voilà je m'appelle ça et je pense ça quoi. Ouais. Avant de le poser. C'est pour ça que je me suis présenté mon prénom, mon nom et mon âge. Si les gens prennent tout au sérieux de ce que je dis. Parce que je m'expose. Quand je dis je m'expose, je veux dire je risque rien. Je suis pas un institutionnel de la radio. Je n'ai rien avec la radio. Et j'ai rien à gagner. Et pas par contre, effectivement, ouais, okay. Quand tu parles de professionnels, de personnes, d'écoles, des de la... les écoles, tu as des dire ou à ne pas dire. Et les gens ont besoin de vérité aujourd'hui. Ils ont besoin qu'on leur dise clairement, voilà, ça c'est comme ça. Ils n'ont pas envie que je te dise, attends, bouge pas, attends, il y a un truc qu'il ne faut pas. Quoi. Ouais, voilà. Il ne faut surtout pas dire ça. Tu dis un truc. Pourquoi ? C'est-à-dire ce que tu dis. Tu dis ce que tu en penses. Pourquoi ? Moi, par rapport à ça, je dis ce que j'en pense aussi. Et l'auditeur, je sais. Quand je dis okay. Choisi, je veux te dire que il va peut-être aimer ton audace, mais d'un autre côté, il va comprendre que la vérité n'est pas tout à fait là non plus. Et puis ça va le recentrer. Vista, punto de vista. Et c'est lui qui va choisir sa voix. Paradoxal. Sexual. Sexual. Normalement, ça t'influence toujours. Si y a pas de discours, ça, c'est ce que je reproche. I don't give a fuck. Distantia. Tu vois, lui, il parle de son anus, mais il est sincère. Ouais. Non, c'est pas vrai, je mens. Il parle de ça. C'est, je mens, c'est de l'art. Le gouvernement. C'est de l'art, je mens. La représentation. Disons que. Est la représentation. Justement, c'est sûr qu'il est sincère, c'est pas un apôtre de. La représentation. Je suis pas sincère, arrêtez les gars, je mens. Le spectacle. Mais t'as, ils m'entendent pas, t'as vu, Gaël. Les mecs. La représentation est le spectacle. Astérix. Astérix et les Gaulois. Et à un moment, Astérix et les fromages. Dans les Astérix, t'as Obélix qui se retrouve sur une scène de théâtre. Et il dit un truc et toute la scène lui jette des trucs. Enfin, alors je voudrais m'excuser auprès des auditeurs. Je ne sais pas ce que je dis. Je suis inconscient, je suis bête et con. Je pue. Alors, je m'encule. Le fio. Tu as du culot. Et Obélix, bon, bah bien sûr qu'il est un peu benêt, qu'il ne comprend pas exactement de quoi on lui parle. Mais l'autre est complètement médusé par ce gars, si tu veux, qui n'a jamais eu vraiment de contraintes. Quand tu veux que ce soit comme ça, voilà, c'est Obélix. Il n'y a personne qui le condamne. C'est pas, mais au niveau c'est du théâtre, c'est pas un animal politique. C'est pas, mais c'est là où je te dis, il rentre dans le théâtre. Là où il rentre dans le théâtre. Il a apprécié pourquoi ? Comme Coluche quand il est arrivé sur scène. Quand il est arrivé sur scène, mais les gens. Ils lui jetaient tout ce qu'ils avaient dans la main, quoi. Enfin, pas le portefeuille, mais. Et puis il a percé comme ça. Il a percé comme ça. Et s'est gardé de. Je pense que sa grande valeur, tu vois, c'est de s'être gardé de tout. I wanna fuck myself. And my asshole fuck the ass. Ça, c'est son livre. Quand tu lui disais, my ass fuck hole, I want to. C'était le gars, tu lui disais, ah ben vous êtes un mec de droite. Ass fucking to ass. Fuck to, I want. To fuck my ass. Je suis pas de gauche non plus, faut pas déconner. Et il avait pas envie de prendre position. La vie, c'est pas ça. C'est pas être de droite, d'être de gauche, sont des doctrines. Dans la vie, il y a un homme qui entraîne. Il est capable, tant mieux, tout le monde le suit. Il est pas capable. C'est pas comme c'est ça que chef, ça se passe. Ben on le suit. Ça devrait se passer comme ça. Non, ça s'est passé comme ça dans l'histoire. Il y a très longtemps. Ou ponctuellement. Il y a très longtemps en France, peut-être. Et puis, je veux dire que si tu regardes l'histoire du monde, à un point donné, t'en vois un qui sort, qui fait un truc fabuleux. Chacun, en son temps, à un endroit donné, révèle quelque chose qui est forcément très contestable. Quand on le regarde d'où nous sommes, parce que nous avons une culture, même si elle n'est pas la meilleure, mais qui nous permet, je veux dire, de nous dire, bon, bah, nous, on voit les choses comme ça, on a nos propres raisons, vous avez les vôtres, de voir ces raisons différemment. Et par moments, des questions de société extrêmes obligent les gouvernements à être, je veux dire, extrêmes. J'ai pas dit, comment dire... All right. Feed me, baby. Abrider le monde ou à l'élargir largement. Un extrême déjà pour moi, c'est de créer une frontière géographique et d'inscrire les gens qui sont dans cette frontière géographique dans une culture. Par exclusion des autres. Alors, c'est vrai que... Créer des disparités entre des gens qui habitent à quelques kilomètres les uns des autres, tu vois, et ça durablement et d'une façon complètement insensée. Et Effectivement, je vais pas essayer de te convaincre par rapport à quelque chose, je vais simplement essayer d'essayer de dire quelque chose. Quand j'étais jeune, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis retrouvé responsable de 8 personnes, j'étais tout jeune. Et puis, j'avais des magasiniers, des conditionneuses qui bossaient avec moi. Et puis un jour, on faisait nos pauses, tu vois, de 10 minutes le matin, aux alentours des 10 heures. Et une pause aux alentours de, on va dire, des 15 heures. Et un jour, il y a une personne qui m'a dit, c'est quoi le racisme ? Parce qu'on en arrive là. Et je lui dis, mais écoute, tu sais, c'est déjà c'est ta porte et puis la porte du voisin en face. Et puis après, c'est ton escalier, l'escalier d'à côté. Et puis après, c'est ton immeuble. Ouais, je sais pas si et on celui d'en tout face. Mélanger comme ça, quoi. C'est pas mélangé. Il y a le racisme, il y a l'ostracisme, il y a... Tu vois, il y a plein de choses différentes, mais... Mais si tu veux comprendre des choses, il faut commencer vraiment très simple. À écouter... Ouais. Le racisme, c'est pas forcément la haine de son voisin ou la jalousie, tu vois. C'est... Je pense que c'est, par exemple, c'est la peur de soi-même. Ou la peur, c'est... Si c'est de la jalousie, c'est de la jalousie, c'est pas du racisme. Le racisme, c'est la peur de l'autre parce qu'il est pas pareil que toi. Simplement ça. Non, mais il y a le mot racisme. La jalousie, c'est quand tu vois quelqu'un qui réussit et que tu penses que... Bah, oui, fait, mais quand tu méritais pas de autant racisme, quand tu me parles de racisme, bon, il y a race dedans, donc c'est quelque chose de particulier. Voilà. C'est race. Ça du reste. C'est race. Donc c'est pas forcément un voisin, c'est parce que c'est sa race. Hein. Parce que sinon, si c'est une catégorie socio-professionnelle, c'est encore autre chose. Tu vois, s'il a une catégorie qui est différente de la tienne, ou pour d'autres raisons, hein, des critères. Ça peut être des critères économiques, culturels ou physiques, je sais pas. Mais ça n'est pas du racisme, c'est autre chose. C'est ce que je veux dire. Après, ouais, l'intolérance et puis tous les sentiments qu'il peut y avoir derrière. Mais il y a des raisons, hein, matériellement, à ça aussi, si tu veux. Mais bien sûr qu'il y a des raisons. Le voisin peut générer une pollution. Parce que dans le passé, toi, ça se peut aussi, quoi. Dans le passé, il y a quand même eu des moments où les uns ont dit non aux autres et où il y a une difficulté de dire aujourd'hui bon bah, ok on va discuter. C'est vrai, ça s'est passé dans le passé et les gens s'en souviennent, je veux dire au moins les gens de mon âge. Quand on est jeune, ça c'est la force, c'est qu'on dépasse le passé. On arrive à dépasser le passé pour dire bon bah on va rentrer dans un truc nouveau. Oui mais c'est bon ou c'est pas bon? Si c'est bon c'est bien. Si c'est pas bon, pas grave. C'est comme vivre en couveuse, tu vois, c'est le politiquement correct, la compassion aussi, le voilà, tu prends une voiture, on te vend des voitures qui roulent à 200, mais on te dit, tu dépasses pas le 130. En fait, par rapport à la jeunesse, tu me parlais de ça? Non, je parle par rapport à un ensemble. La jeunesse, j'ai pas de... La jeunesse, c'est elle de se définir, c'est elle qui parle dans lequel je ne vivrai pas. Mais justement, c'est elle de se définir. Faut pas qu'elle se laisse définir parce qu'on lui dit. Alors, pas qu'elle soit inclue. Tu vois, en fait. Parce que sinon elle en souffrirait. Je pense que c'est important de penser ce qu'on fait. Et c'est important surtout de faire ce qu'on pense. Tu vois. Mais quand on fait des choses, t'es décidé par des gens avant nous. Tu vois, c'est par rapport à tous les métiers qu'on fait. Il n'y a pas beaucoup de. Il y a un petit coup de cul sur la radio qui arrive là. Il y a tant de nouveaux métiers, si tu veux, C'est d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est utile d'avoir des spécialisations comme on les a? À mon avis, pas tant que ça. Qu'est-ce qui fait la différence? Tu crois qu'on a besoin de créer ces différences? Je pense pas qu'on atteigne toujours de meilleurs résultats en spécialisant les gens. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, il était là-haut. Ah, ça marche plus. Et je dis, ouais, on a un ingénieur qui est pas ingénieux. Tu vois, c'est un ingénieur qui m'avait sorti ça une fois. Il y a beaucoup d'ingénieurs, mais il y a pas beaucoup de gens ingénieux dans les ingénieurs. Le fait, tu vois, c'est quand même des sciences dures. Tu te tapes un sacré programme avant d'avoir un diplôme d'ingénieur. Enfin, je dirais pas pour tous les types d'ingénieurs. D'un seul cran, le bouton on là. Mais sur le tas, il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir à faire quelque chose d'utile. Je montre quoi ? Après tous ces efforts, ils vont rentrer dans des créneaux très particuliers qu'ils n'auront pas choisi et qu'ils vont utiliser vraiment une toute petite partie de leur connaissance. Il y a même le truc. Tu as énoncé le problème. Putain, c'est ça. On ne dégage pas les talents des gens en fait. D'abord, un ingénieur va rencontrer des enseignants. Ces enseignants, qu'est-ce qu'ils ont ? De leur expliquer comment devenir Mais c'est à mon avis le cloisonnement qu'on a fait entre la théorie et la pratique. Tu l'as dit toi-même, être ingénieur ou pas être ingénieux, ça veut rien. Celui qui est capable de passer le diplôme. En fait, on dit que le génie, c'est la capacité à faire des liens entre des choses qui n'en ont pas, si tu veux. Mais ça ne veut pas dire essayer de créer le lien à tout prix, mais en tout cas, tu arrives à faire les liens. Et je pense que tu les fais les liens quand justement tu fais le lien entre la théorie et la pratique, en fait. Tu confrontes tes théories au réel. Un scientifique, d'ailleurs, il a toujours des hypothèses qui peuvent être justement démolies par d'autres. Et justement, c'est accepter ça. C'est accepter de confronter la théorie au réel. Et je pense pas que ça soit bien de faire des études pas. Pendant des années. Pendant ces années-là, tu ne vas pas confronter toute cette théorie au réel. On va me dire que c'est nécessaire, mais justement, je pense qu'à ce niveau-là, c'est trop. Je pense qu'un ingénieur est beaucoup plus dans le réel que d'autres. Que d'autres? Non. Quels autres? Mais ceux qui ignorent le pourquoi du comment dans lequel ils sont. Je pense pas que la science soit. C'est qu'une vue de l'esprit, la science. C'est peut-être l'outil le plus. Pas seulement. C'est peut-être l'outil le plus efficace pour maîtriser notre environnement matériel. Mais n'empêche que c'est partiel, c'est pas absolu. Je crois comprendre de quoi t'as envie de parler. En fait, ça reprendrait un sujet d'aujourd'hui que j'ai entendu. Bon voilà, il faudrait faire la philosophie de la science, même si celui qui enseigne la philosophie de la science n'est pas aussi avancé dans la science que les personnes à qui il enseigne, il va leur poser les questions de à quoi ça sert, pourquoi ils le font, le côté positif, le côté négatif de tout ce qu'ils font. Tu nous mets un peu de musique, qu'on picole un coup tranquille. Oh merde. Bon, allez, attends, t'as pas fini, vas-y, on va faire un peu. De hobereau et de bureaucrate. Si t'as envie, on reprend. Je t'entends pas, tu veux bien me remettre, parler dans le micro, je sais. Ah, voilà. Vas-y, mets ton casque, t'as raison. Mets le casque, t'as raison. Vas-y, décompresse. Beaucoup de liquide pour un petit corps. Décompresse. Je suis pas compressé. À la 20e, my god, oh fuck me god. Fuck me in the ass. Fuck me in the ass, baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Is the membrane, la surface de la muqueuse, la mucosité visqueuse contre la disqueuse. Intermède érotique. La disqueuse vibrante, vibratile, rotative, comme disent les gens du Nord. Du nord de la France ? Ouais, ils disent ça. Il y a qui disent une scie à matériaux, une tronçonneuse, une disqueuse. Beaucoup d'abrégés. Un lapidaire. Un lapidaire. T'excuses en plus ? Non, non, mais parce que je mets mes doigts dans le nez. Bon, même si ça, je vois pas la radio. Ah ouais, moi, merde, attends, je me mets dans le doigt dans le fion. Partout, là, et... C'est cool, je me gratte le cul. Salut, je m'appelle Al, je me gratte le cul. Non, mais toi, on te connaît, c'est Al. Non, mais je parlais aux auditeurs. Hein. Je parlais aux auditeurs, voyons. Ils me connaissent pas encore. Ah, ils vont te reconnaître, là. Non, je les connais pas trop. Ça, je les connais pas, je sais pas, tu vois. J'en sais rien. C'est étrange ce lien. Hein. Quoi ? Étrange ce lien. Quel lien ? Ben, entre toi et la personne qui écoute. Bah, tu coup, la connais pas et pourtant pas. Tu parles. Ah, mais je sais pas qu'il y a une personne qui m'écoute. Surtout ça. C'est sûr. Je peux m'en douter, mais c'est qu'une spéculation de ma part. Je peux en être certain et sûr à 100%. Ni de qui m'écoute d'ailleurs. Nous écoute. Bon, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM, ou Canal Sud.net. C'est l'émission Nuisance qui est là, quoi. Et. On est le 1er mars 2013. Il est 23h30. Incroyable. T'as la météo ? Non. Ça, j'ai pas. C'est qui gère la station. Bon, demain il fera beau. C'est une station offshore. Elle dérive. Les femmes seront belles. Les sirènes aussi. Et contre le vent, les proutanos analysent l'ambiance avec une sphère. Une métasphère. Une mégasphère. Une baronie. Bon. Pour les gens qui auraient le tournis. Ce serait avec plaisir que je leur citerais un verbe, un vers de Prévert. Le pan fait la roue, le hasard fait le reste, Dieu s'assoit dedans et l'homme le pousse. Bahou! Me détrousse, je fiante, j'en chie quand on me pique mon anis, mes anis, pardon. Tiens, j'en ai là. Ah mais t'en as trois déjà. Ah ouais, j'en ai trois déjà. T'en as déjà trois. Trois dans. Ouais. Dedans. On est en train de faire de la musique, de la grande et belle musique pour vous ce soir, et même pour nous d'ailleurs. la grande level musique, parce que nuisance, c'est avant tout l'émission qui nuit au sens, c'est l'émission de toutes les nuisances. Parce que nuire, c'est quand même le phénomène majeur de on parle, quoi, donc dont l'on t'en parle, quoi, tu sais, je veux dire. Pédigré parle. Parle. Pédigré parle. Parle. Parle. Donc, bon, l'on t'en parle. L'on t'en parle. L'on t'en parle. L'on quel. Non, tu quel. C'est celui de Luc. Quel parle. Luc. Luc. Donc elle, ouais. Assiste donc l'Amazon in my dirge in my fire plein de fire anal. Et aussi ketone valse main volume tempo start stop Casio and Nutcracker Chicago blues R&B. Tango 2 Latin Various 1. Just the way you are. Lambada Cumbia Bolero 84 Begin 85 Salsa 86 Folklore 87 Paso Doble. Il est parti. In 88 I got the Rumba Catalania. Il revient d'Inde, là il remonte au plafond, il rassoit sur sa chaise, tout doucement. Sevillana, Sevillana, who wants a Sevillana? Sevillana, Sevillana, Sevillana, Sevillana, Sevillana, Sevillana, Sevillana, Sevillana. Bada, bada, bada, bada, bada, swing, bada, Sevillana, Sevillana, I got a Sevillana on the right, I got a Sevillana on the left, I got a Sevillana on the fuck, I got a fucking Sevillana, Sevillana, who wants to rap funk 49, un gros quoi? Various 2, country bluegrass, 92 folk, à un moment, on a 93 township, 94 fast gospel, 95 avant, slow gospel, 96 Adani, 97 Baladi. 98 baroque. J'ai compté en 99 Broadway. 69 Tango 1, Rock 1, Rock Vals 20. 21 Slow Rock 1, 22 Slow Rock 2. Cosmic Boy. Shuffle Rock 25. 26 60s Soul. Ok, t'es obligé de dire ce que tu fais en code barre. I got a code barre. And my code barre is a code barre. Si, si. Tu y arrives. Mon code barre. Oh. Mon code barre, c'est un code barre. Ouais. Et mon code barre, il manque. Attends, je vois, je crois qu'il y a Freud qui frappe à la porte. I wanna fuck me, I wanna fuck you, I wanna fuck everybody in the ass. I wanna fuck you, I wanna fuck me, I wanna fuck everybody in the ass. Non, lui, il est pas là, non, il vient demain. I wanna fuck you, I wanna fuck me, I wanna fuck everybody in the ass. I wanna fuck you, I wanna fuck me, I wanna fuck everybody in the ass. Fuck to fuck to fuck and then fuck and then fuck. Fuck to the fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck and then fuck. Kick ass, kick ass. wanna fuck me, I wanna fuck everybody in the ass. Wanna fuck you, I wanna fuck me, I wanna fuck everybody in the ass. Yeah. I wanna fuck you, I wanna fuck you, I wanna fuck everybody in the ass. I wanna fuck you, I wanna fuck me, I wanna fuck everybody in the ass. Fuck you, fuck. Everybody in the ass. Ass fuck. Faites-moi le cul, défonce-moi, fais-moi ça, la façon anale. Défonce-moi, pénètre-moi au plus profond de mon être, fais jaillir mon mal-être. Donne-moi l'obsession satanique qu'il manque dans notre éducation catholique. Il faudrait donner ses noms l'analyse obsessionnel de chaque être, mais je préférerais être. Dans l'analyse, nous sortons de l'hiver. Je vais rentrer dans le printemps. Les beaux jours vont commencer. Croûte. Les rougeurs me grattent dans le fion. Oh, fais-moi le kid, épouse-moi. Oh, bébé. Oh, I love you. I love you. Oh, bébé. Fuck me. Fuck me in the ass. Fuck you, baby. Oh, I love you so much. I love you, baby. I fuck you in the ass. Oh, I love you, baby. Oh, baby. Oh, bébé. Je t'aime tellement. Oh, quand je suis dans ton fion. Dans ton fion, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, t'aimes ça aussi, hein? Hein? Dis-le-moi! Dis-le-moi que t'aimes ça! Ah ouais, maintenant? Maintenant tu me payes! Paye-moi, mon amour! Merci! Toujours à votre service, vous avez mon numéro. Ouais. Au revoir. C'était Katyusha en mi bémol. Diminué. Alcatouche. Neuvième. Joséphine. Mais de deux tiers. Zeta. Bon là, il va attaquer l'autre partie du clavier. Fuck l'autre partie, s'il te plaît. C'est à ce moment-là que je suis censé m'excuser pour mes propos indécents et que je le fais platement. Également, je voudrais me faire pardonner, j'espère, par le Seigneur Tout-Puissant, car j'ai péché, beaucoup péché, détruite, saumonée, dans une rivière quand j'avais 7-8 ans, dans le Gard. Bon, je me souviens très bien. Aussi, et ensuite, le prêtre il m'a pardonné quand je lui ai fait le salut Marie pleine de grâce dans le fion. Et c'est à ce moment-là que maman, elle est venue et on a participé à 3 ou 4 avec papa. Mais après, elle a pardonné, elle aussi. Elle a pas redonné son cul. Elle est fait. Vierge, ma mère. Oh, ah ouais, en fait, elle l'était. Non, elle est toujours. Hein. Ah ouais. Elle a pas changé, elle a pas changé. Hein. Ma mère, c'est en fait, la donc même, du coup, elle, ah, alors, c'est la vierge, Jésus, elle l'a pas donné, elle l'a pas pardonné. C'est la vierge. Elle l'a même pas donné à la base. Non, mais elle a pas pardonné, ah ouais. elle est parfaite, tu vois. Ah, elle est pas refaire, je veux dire. Putain. Elle est pas à reproduire tellement elle est parfaite quoi. Ah non, vaut mieux pas. Non. C'est une erreur parfaite en fait. Ah c'est pas une erreur, hein. C'est exprès. C'est pour me faire chier. T'sais. Quand elle t'apporte une bière, il n'y a pas de capsule par exemple. Une cube sale. Cube sale. Je sais trop un truc que c'est. Là-haut, on a un indien malade. Une moon cup un peu sale. Un indien atteint de Alzheimer. Bon. Moon cup un peu sale, ça donne pas envie. Vous saviez ce que c'était une salle où on faisait plein de suppositions? En même temps, ça dégoûte pas trop, mais une moon cup, dans le principe, j'ai rien vous contre. Vous voulez savoir ce que je c'est? Je ne sais pas. Je suis même plutôt. C'est pas l'assemblée. Hein. J'ai peur de savoir. Un suppositoire. Bon, c'est pas l'heure de jouer aux échecs. En mais tout cas, bon. En fait, c'est nul. Je vais pas déranger quoi. J'ai un jeu dans mon sac si tu veux. On va parler de fions. Les fionques ou les fions de mon oncle? Parce que mon oncle avait plusieurs fions à son actif. Il faudrait dire que... J'aimerais même dire que mon oncle est un grand personnage, tiré tout droit d'une fiction très réaliste. Et il aimait beaucoup les promenades en famille, mais un jour, il a commencé à parler de son actif. Et alors, activement, il s'est activé dans mon rectum, mais... Faudrait dire aussi que il n'y avait plus rien à dire, c'était comme des hurlements de bêtes assez révélation. Frivoles qui grou-grou et gra-gra et tout brou-brou. Le monde n'est pas capable de contrôler ses émotions affectives, touchées par la grâce. Oui, j'ai été touché par le doigt du Seigneur. Tout puissant et arbitraire aussi. Il a sifflé la mi-temps un peu trop tôt à mon goût, quoi. Très délicat aussi, attentionné parfois. Il faut dire que non, mets-toi dans cette position, c'est une preuve d'attention. Il entendait très bien, mais c'était une chanson qui était au top musical de l'époque. Ça fait très longtemps. Attends, j'essaie de suivre notre autre émetteur. Elle est lointaine et très abrutissante cette histoire, mais quand même les battements réguliers contre ce postérieur bombé me donnaient comme une comme un ouragan qui venait sur moi. Et ça a tout emporté. Je serais prêt à parler des longues heures tout seul. Heureusement que je me et j'ai passé moi-même. Tellement de temps à discuter du dur ou du mou. Ouais, écoute, je voudrais pas te faire mal, mais philosopher quand il n'y a plus de bits, à un moment, c'est difficile. Tu sais à quel moment une femme est belle? Quand elle est au bras de l'homme qu'elle aime. Ça peut durer 15 secondes. Ouais, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Ouais. Hasta luego. Oh, tu es déjà. See you. See you soon. Je vous viole tous. Merci. Non, moi je suis même pas cap. Non, moi je vais devoir y aller, excusez-moi. Non, pas chiche, non. Ah ouais, il paraît que le nouveau concept c'est que la vieillesse est belle. Alors moi ça me fait rigoler parce que. Qu'est-ce que c'est la vieillesse? Il y a 15 ans déjà, j'écoutais France Info et tout, et puis donc c'était 15 ans, c'était genre l'an 2000, et tu vois comme ça. Et en fait, le cum à France Info, il dit que, ouais, alors dans 20 ans, il y aura super plein de vieux. Et en fait, et bien en fait, je calcule rapidement et tout, je fais, oh putain, j'y suis dedans. Et en fait, ça va devenir de pire en pire. Et vous allez voir, les vieux, ils vont nous faire chier. Comment recycler les vieux? Je sais pas, j'ai bien dessus. Je suis un enfant de la période. Voilà, c'était bien. Bref. Genre, on était venus dans un appart. Tu l'as voulu, hein? Tu l'as voulu. Ouais. On a bougé. C'est quoi toi sur la dorade? Finalement, je suis venu ici. Ça sert à moi de faire. Ouais, du coup ça clôt l'émission. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net ou c'est 40 rue Alfred Duméril à Toulouse au 31 400, je crois, c'est ça, hein? 31 400, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je leur ai dit, hein. Vaut mieux laisser tomber, les gars. Ok, bon. Ouais, ouais, carrément. Canal Sud 92.2. Bonsoir, il est 23h48. Je prends le relais. Je suis... Oui, elle est belle, l'horloge parlante. Écoutez, l'horloge parlante. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu dors. C'est quoi le thème? Mais j'étais passé à la 20e. J'avais pas dit un mot. Arrivé. Et puis, à un moment... Et ça jouait juste là, c'est bizarre. Ah oui, on entend super bien. Moi, tu veux la faire ou... Je t'encule. Hein? Je t'encule. D'un seul coup, je me suis fait... J'ai dit... J'en fais un petit coup. Tu veux vraiment en faire une? Oui. C'est bizarre, hein? C'est super étrange. Non. tu trouves pas que c'est super étrange comme... Donc Farid, tu nous as joué ton petit air de Requiem for Dream? Oui. Non, il a pas l'air. Il a fait d'autres choses. La la la la la la la la. Ça marche? Ah ouais, ça marche. Eh, bande de. Ce soir, un invité. Bande de fiottes. Il fabrique des repas préparés et il est habillé comme un chilien. Il est chilien? Péruvien, ascendant. Ascendant. Taureau. Quoi? Mets le casque. Ascendant juif parce que tu as. Je n'entends pas. Hein? Non, je ne mets pas de casque. J'ai mal aux oreilles et je t'en cule. C'est le signe des Goa'uld dans la guerre des étoiles. Ah, ouais. Je suis le petit cousin de Tim. Tu peux montrer ta bite, mec. Tu peux montrer ta bite. Non, c'est pas bien de t'apporter une marque. C'est l'empreinte de mon peuple. Ça craint. C'est nous qui vous avons créé. Et toi, en fait, peut-être que tu aurais dû faire un test sur des jeux de rôle. Je n'ai jamais joué au jeu de rôle, je suis curieux. Justement, tu l'ignores peut-être, mais de toute façon, depuis comment petit, tu joues un rôle. Je vous casse la rondelle, je vous casse non, la rondelle. Ouais, moi je t'entends. Je t'entends. Un nouveau personnage. Eh, à ce coup pareil, ouais, je te casse la rondelle. Faut le dire, c'est effusant. Mais non, tu m'emmerdes pas, parce que t'es content, t'es fier de ça. T'aimes que je te fasse ça. Je suis un caméléon assez... Non, et non, stop, on parle pas, on ne parle pas. J'en ai marre d'endurer la société et de devoir changer sans arrêt. La société, elle t'encule d'abord, ok. Respecte ça, respecte son autorité, tout ira pour le mieux. Je respecte pas du tout ton respect. Et mon irrespect, tu le respectes? Je ne respecte pas ton irrespect, ni... Eh ben c'est mal. Je ne le tolère pas non plus. Tu devrais. Comme ma bienséance se frotte son cul sur ta... C'est quoi déjà la suite? Bah la suite, je suis en train de l'inventer, connard. Bah arrête, non, il y a un truc... Mais non, la... Si, tu connais... Putain. Non, je connais pas, c'est moi qui l'invente. J'essaierai de le sortir bientôt. La bienséance se frotte le cul sur ta... Non, mais il y a un truc dans le style, limite. Mais... Ça serait plus simple de me frotter sur ton crâne. Quand tu sors du métro, tu tires sur... Qu'est-ce qu'il fait le monsieur quand il sort du métro? Oui, je... Qu'est-ce qu'il fait? Je regarde avec ma caméra de surveillance du réseau Tisséo. Okay. Je regarde ce que font les gens. Okay. Qu'est-ce qu'ils font quand ils marchent, hein? Ils l'embrassent, hein? Et bien là, vous verrez... Qu'est-ce qu'ils font? Et lui, qu'est-ce Liberta qu'il fait là, avec ses cheveux là? Super-héros de Toulouse, avez-vous entendu parler de Es Liberta? Es Liberta, fi. C'est le super-héros qui est censé œuvrer pour la bienséance des gens dans le métro et au carnaval de la... Sérieux, c'est lui là, cet enfoiré? Il a fini en garde à vue. Ouais. C'est 10 fois qu'il avait fait la manche, celui-là. Pour la petite... À chaque fois, il change, il se maquille. Je connais des gens qui jouent aux échecs avec des bières. Des échecs bières? Ouais. Échecs genre, il y en a un, il a une... Enfin, en fait, la reine et le roi, c'est des marques différentes, tu vois. Ouais. De bouteilles différentes. Genre, il y a quoi comme bière, pour pas citer les pubs? Ils ont des bières, en fait, ils ont des shops pour faire les tours. L'été dernier, j'ai une copine, elle me dit, oh putain, faut que tu battes Thomas aux échecs et tout. Toi aussi, tu as connu les échecs en apprenant à jouer aux dames. Ouais, mais je voudrais m'excuser. Je voudrais m'excuser pour tous les propos. C'est une intervention divine. Tous les propos de merde. La gueule quand j'ai dit ça. Et les fions, je voudrais m'excuser pour tous les propos débiles de merde qui sont passés dans cette émission de merde. Et on vous viole parce moi, que vous êtes des merdes. Tous ces propos de merde, par exemple, ben, on vous excuse, on m'excuse, non ou pas. On demande platement pardon, quoi. Non. Moi je demande bêtement pardon en te parlant. Ouais, prout. Ça c'est vraiment des enculés, tu vois. Je suis un enculé, c'est ça que tu dis? Quoi, tu veux me niquer la gueule maintenant? Tu me frappes et tout, tu m'as poussé. Pourquoi tu fais ça? Ouais, parce qu'on te viole après, mon pote, on te pète les jambes, les dents et c'est parti. Mais à culpa. Chez nous, on appelle ça casser la croûte. J'ai pas dit moi, tu sais, j'ai dit. Parce que j'ai trouvé qu'il était assez soft, donc je me suis dit, il faut en rajouter ça. Tu es soft, hein. Tu t'es habillé en blanc, immaculé. Ouais, bah j'ai que deux pulls, un noir et un blanc, tu vois. Il est très pixel, hein. C'est un peu la merde. J'avoue, le blanc est très dégueulasse et le noir et propre. Ouais, c'est vrai que t'as un côté extrêmement grunge en fait. Grunge. Je fais garage. C'est énorme. T'as la même réflexion que nous il y a deux heures de ça. On a la même réflexion par rapport à ça. Ah ouais. On l'a trouvé trop blanc. On l'a trouvé trop blanc. Un mec très grunge, ça passe pas inaperçu avec très grunge. Pas assez sombre. Pas assez sombre. Ça sent la paille. Dans le foin, ça sent le fion, ça sent la paille, ça sent. C'est ça. Ah, tu le connais. Ça sent les chats qui dorment dans la paille. Ça sent le chèque. Tu pisses sur ta 103 pendant que tu l'as fait chauffer et après ton cylindre. Balance une flagrance acide. Flatulence. Ah, pardon. Je pense que notre cuisinier chilien a pris une attaque sonique dans les oreilles. Ouais, moi aussi. En parlant de ça, donc. Comment on dit déjà en ta langue ? Machu Picchu ? Ça m'a défoncé. Kuchunu Mitu. I wanna fuck myself in the ass. T'as déjà essayé avec des cochons d'Inde ? Parce que là-bas ils le font en fait. J'aurais préféré. Et oui, effectivement, pas semblant. Nous ne nous masturbons pas qu'avec des pots. Ah ! Hey, il s'est coupé la parole lui-même. Je m'entends pas. Ah si, je m'entends qu'à moi. Et tu t'entends pas avec toi-même en fait. Ouais, moi aussi je suis avec toi. I'm fucking. Ah non. Tous les deux dans la même tête. Et gosta la boya. Ouais, ouais, la radio. Quoi ? Tu dis quoi ? La, tu veux du feu ? Tu veux l'heure ? Non, mais quoi ? Je vous le laisse. Comment ça ? Non, je les ai des deux lesquels. J'ai vu un film comme ça, ça s'appelle. Tu peux faire les génériques de séries. Vas-y, vas-y, Qatar. Je ne sais pas trop quoi. On a des cuisiniers chiliens. Il fait rien. Vous avez un clavier, c'est pas pour rien. Et alors, t'as il un clavier, le fait c'est pas pour presque rien. Rien en toi, plus. Tu peux faire de la musique. Ouais, ouais. Pull up, pull up. Moi, je sens bon. Ça, c'est David Guetta, ça. J'ai reconnu là. Bon, alors, du coup, 8 pour moi. Effectivement. Répétez, c'est trop bien. Envoie, envoie. Non, reste sur le dos, te prends pas la tête. Vas-y, fais-le le dos là. Et là, tu fais comme ça en fait, David Guetta, tu fais comme ça. J'ai appris ça à mon fils tout à l'heure, ouais. C'est David Guetta, ça, c'est David Guetta, ça. Ça, c'est 5, la dame, c'est 10, ça, c'est 2, et le fou, c'est 3. I love to move it. Yeah, fuck me in the ass. Yeah, avec tes mails de H, E, C. Ferme-la, affreux jojo. Et c'est à ce moment-là qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe ici. Et je peux vous le dire, en tant que producteur de l'émission de Nuisance, sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, qu'il est minuit, et que j'en ai absolument rien à foutre de ce qui se dit ici, parce que c'est une émission d'expression libre et que je m'en tape le faux fiard. C'est tapé ou n'a pas rien. Puisqu'on est dans un pays de liberté, mon fion, je m'encule. Vous voyez ce que je veux dire ? Jojo essaye de faire semblant de parler une langue étrangère. Et en fait, voilà. Non mais il a essayé. Ça pas du tout. Il a vraiment essayé pour de vrai. Non, non, ça c'est une mauvaise idée. Du larcène dans leur gueule, non, là, non, que ça leur brûle leur tympan. Non, tout. J'ai dit tout à l'heure que ça fondait le cerveau et ça risque d'arriver justement. Parce que je t'ai dit. De la bouillie qui sort des oreilles. De l'arsène quoi. C'est intéressant quand tout le monde parle de Fion, ça y est, tout le monde se tait, je veux dire quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est 100% naturel. C'est trop bio en fait. Cul, les mecs, c'est tout. Voilà. Ouais, c'est trop ça. Bio, c'est trop bio pour vous le cul en fait. Voilà, le fion c'est trop dur, c'est ça. Hein. C'est trop difficile quoi. Ou trop mou, ça dépend. C'est quelque chose d'autre quoi. C'est pas quelque chose comme. Non, c'est trop petit. Ah d'accord, voilà. C'est trop petit quoi. Et moi ce que je parlais ça dépend, c'était. Hein. Après, alors, je parlais. Je pense poutre, que c'est vraiment petit trop de gros, dire que c'est trop petit en fait. Et la poutre elle est trop grosse. Tu vas me dire. Je pense que. T'es jamais content. C'est un réel problème en fait. T'es jamais content, c'est tout. Tu veux jamais, être content en fait. À mon avis, c'est ça, tu fais pas l'effet le problème, qu'il faut. C'est ça. Ça doit être ça peut-être aussi. C'est l'horreur de la vie de merde. C'est peut avoir dans une vie de merde qu'on a quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ça peut crier et tout, mais c'est jamais. Écoute, après en même temps. Quelle horreur. Ah c'est excellent, on peut le refaire. Vas-y. Allez à 3 on fait tous en même temps, deux, mais à niveau normal, ouais. Niveau normal tu vois, on fait ouais. Tous dans le fion, ouais. Tous dans le fion, tous dans le fion, tous dans le fion. Non c'est Dimmy. Oui quoi. Il y a Dimmy, Dimmy. Vas-y. Faut pas que ça me choque trop. Vas-y, fais ta dédicace. Ah dédicace. On t'entend pas. Tu t'entends là? Non, ça marche pas. C'est le verre. Oh, il y a de la censure sur le micro, non, ça. Va sur le verre. Va sur le verre, c'est ça? Bah, je suis sur le verre là. Ah, vas-y plus. Mais je crois que t'as là. Non, mais le téléphone sur le verre. Je crois qu'elle ne s'entend plus. La la la la. La la la la la. Schlo. Bon ben, je dois préciser que l'inévitable est ainsi pourvoyé quoi, que la fourvoyure ne peut se permettre quoi, la dédicace se fasse. Que ou pas. Bon bah, dédicace is dead. Declarant is dead. Voilà, donc on écoute Stravinsky, opus 22. 44 alinéa BB 24 racine 6. De 6. C'est très joli. Racine de 6 diminuée. Bravo. Voilà, pas. Donc on est en train de dire quelque chose comme ça, je crois. Mais on parle pas très bien. Ah, mais quelle horreur! Ah, là, oh, mais quelle horreur! Marcher, là. On entend bien, oui. On entend bien. Vas-y, la dédicace marche, la dédicace marche. Mais qu'est-ce que tu veux comme dédicace? On t'embrasse tes petites fesses. À qui et qui? Alors je voudrais dédicacer à mon fion cette chanson. Bah, en fait tu peux le mon dire fion, là, cette chanson, même, cette si chanson mon fion. C'est quand mon tu fion. Veux. C'est sachant que personne ne sait qui tu es, tu peux la faire je immédiatement. Vas-y parle. Fais ta dédicace. Ne dis pas qui tu es surtout. Si dis qui tu es et où tu habites. Allez, elle devient folle, tu vois. Elle a un peu d'audience, elle devient allez. Folle. On t'entend. Ta soif de prestige te perdra. Je savais que j'arriverais à te faire jouer un jour. Ça y est, ce jour est là. Il est là, mais alors là, ce jour. Eh, franchement, je t'entends pas. Tu veux que j'y aille plus fort? Ouais. Mais on est déjà en train de s'emmerder, tu peux pas en rajouter. On s'emmerderait pour rien d'abord. Ouais, hein. Et tu fais quoi toi pour qu'on s'emmerde, hein? Nous on s'emmerde tout seul. Pourquoi tu viens venir nous emmerder ouais, en c'est plus? C'est ce que le mec il m'a dit l'autre jour, t'as ouais. Vu. Alors moi j'étais au Camino Bar, machin, je veux dire le fion. Et t'as caminé ouais, pour y aller on au Camino. On anus quoi. Et, c'est là où j'ai dit ce qu'il fallait pas. Et le mec il m'a regardé de travers, hein, je te jure. Et j'aurais pas dû parler de mon cul comme ça. Ouais, ils sont bizarres dans ce trou du cul là. Voilà, c'est ça, mais alors, attends, Born mais... Toulouse. C'est bizarre quand même, tu vois. Born Al, Toulouse. Al, on manque une occasion de faire de la réelle radio là. Vas-y, écoutons-les. Vas-y, je t'écoute, demoiselle. D'accord. Moi aussi c'est la même. Moi je ressens la même chose pour toi, demoiselle, que toi tu ressens pour moi de l'autre côté. Sauf que je suis pas la personne que tu crois, tu comprends. On t'enverra un disque un jour quand on fera de la musique. Je m'appelle Rosita en fait. À l'intérieur de moi-même, je suis Rosita. Je suis une femme blanche de 39 ans. Un peu espagnole. Et je me frotte dans la douche souvent. Mais dans ma tête. Mais ça fait rêver hein. Franchement, c'est tellement sexy, tu vois quelqu'un qui pense sous sa douche à ce... Avec leur cortège de prêtres, de pédagogues, de hauts bureaux et de bureaucrates... Toute cette racaille cléricale... Avec leur cortège de prêtres, de pédagogues... En sandales... De hauts bureaux et de... Les robes de bure délicatement portées... ...servit d'épouvantail pour faire peur à la bourgeoisie qui se dressait menaçante. Très bien. Et dégainée. Il compléta par son hypocrisie doucereuse les amers coups de fouet et les balles que ces mêmes gouvernements oh, comme j'aime l'amertume administrèrent des coups de fouet. Aux ouvriers allemands qui se soulevaient. Dans mon fion. Si le vrai... attends, on prend mes phrases, moi. C'est bon, je veux bien. Entre les mains des gouvernements... Eh, plagiat, plagiat. Directement. Fais coche. Mais qui est le lecteur de... du petit bourgeois. Petit bourgeois, exactement. Ta propriété, je la saccage. Je suis un petit bourgeois, je le revendique. Je viole ta propriété, exactement. Je vote UMP, merde. La vraie base sociale de l'état de choses existant. Je suis fier, moi, monsieur. Monsieur, moi, j'ai pas fait la guerre, moi. Maintenir les conditions... jamais, mais moi non. Jamais cela naître au petit chez un petit bourgeois. Industriel et politique de la bourgeoisie menace cette place de destruction. Je vous raconterai l'histoire de notre cuisinier chilien, là, fait des plats préparés depuis très longtemps. C'est exactement ce que je pensais à ce moment-là. Ramenez-moi des boules que je vous prépare. Voilà, c'est parfait. C'est exactement l'idée que j'avais nous faisait de la radio Nuisance. Donc Nuisance vous encule et s'encule soi-même. Une économie stable et prospère pour donner à la ménagère son pain. Donne-moi de la crevette, donne-moi de la crevette, donne-moi de la crevette, donne-moi. Et elle épuise son prochain, comme le Seigneur disait dans ses paroles divines, que tu n'en iras point ton conjoint. Ah, conjoint, je dirais bien que les gens ne sont pas... De son côté, le socialisme allemand comprit de mieux en mieux que c'était sa vocation d'être le représentant pompeux de cette bourgeoisie. Il proclama la nation allemande, la nation normale, et le philistin allemand, l'homme normal. C'est magnifique. À toutes les infamies de cet homme normal, il donna un sens occulte, un sens supérieur et socialiste, qui les faisait tout le contraire de ce qu'ils avaient. Il alla jusqu'au bout, en s'élevant contre la tendance brutalement destructive du communisme, et en déclarant que, impartial, il planait au-dessus de toute la lutte de classe. À quelques exceptions près, les publications soi-disant socialistes et communistes qui circulent en Allemagne en 1947 appartiennent à cette sale et énervante littérature. Grand 2, le socialisme conservateur est bourgeois. Une partie de la bourgeoisie cherche à porter remède aux maux sociaux dans le but d'assurer l'existence de la société bourgeoise. Dans cette catégorie se rangent les économistes, les philanthropes, les humanitaires, les améliorateurs du sort de la classe ouvrière, les organisateurs de la bienfaisance, les protecteurs des animaux, les fondateurs des sociétés de tempérance, les réformateurs en charge de tout acabit. Et l'on est allé jusqu'à élaborer ce socialisme bourgeois en système complet. Citons comme exemple la philosophie de la misère de Proudhon. Les socialistes bourgeois veulent les conditions de vie de la société moderne sans les luttes et les dangers qui en dérivent fatalement. Ils veulent la société actuelle, mais avec élimination des éléments qui la révolutionnent et la dissolvent. Ils veulent la bourgeoisie sans le prolétariat. La bourgeoisie, comme de juste, se représente le monde où elle domine comme le meilleur des mondes possibles. Le socialisme bourgeois élabore cette représentation consolante en système ou en demi-système. Lorsqu'il somme le prolétariat de réaliser ses systèmes et de faire son entrée dans la nouvelle Jérusalem, il ne fait pas autre chose, au fond, que de l'engager à s'en tenir à la société actuelle, mais à se débarrasser de sa conception haineuse de cette société. Une autre forme de ce socialisme, moins systématique mais plus pratique, essaya de dégoûter les ouvriers de tout mouvement révolutionnaire en leur démontrant dégoûté. Que ce n'était pas tel ou tel changement politique, mais seulement une transformation des rapports de la vie matérielle et des conditions économiques qui pouvaient leur profiter. Notez que, par transformation des rapports matériels de la société, ce socialisme n'entend pas parler de l'abolition des rapports de production bourgeois, mais uniquement de réformes administratives s'accomplissant sur la base même de la production bourgeoise, qui par conséquent n'affecte pas les relations du capital et du salariat. Diminuer les frais et simplifier le travail administratif du gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois. Voilà, donc on est bien placé là pour voir la fuite anale. Gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois. Pourquoi? Gouvernement bourgeois. Gouvernement bourgeois. Ouais, donc il faut bien comprendre que le gouvernement, c'est un gouvernement de bourgeois, quoi. Ouais, parce que s'il était pas bourgeois, on serait quoi? Bah, il serait pas un gouvernement, quoi. Ce serait une merde. Ce serait une merde fratricide. Ça serait à chier, tu vois. Genre... Ce serait pas une merde fratricide par hasard. Si, ça serait quoi, hein? Ça serait des pouilleux, c'est ça qui nous gouvernerait? Non, c'est ça, c'est plutôt une merde fratricide. Non, j'en veux pas. C'est pareil, c'est la même, c'est la même. Gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois. Et il se passe quoi en fait Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est... Il se passe rien, comme d'habitude, t'inquiète. On n'a pas le droit de faire quand même. Il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de faire à la radio quand même. Comme montrer sa bite, tu peux montrer ta bite. Ouais, tu peux montrer ta bite à tous nos auditeurs. À tout le monde si tu veux. Tu peux montrer ton cul, ta bite, tu peux te branler si tu veux. Ouais, branle-toi sur les auditeurs. Ouais, branle-toi, t'as raison, c'est une bonne idée ça. On n'a jamais fait à nuisance, tu peux te masturber si tu veux, en direct quoi. Tu te masturbes mec. Ça y est, c'est en train de se faire. Il est en train de se masturber sur vous, chers auditeurs. Ouais, ça y est, il se masturbe. Oh putain, oh, c'est énorme quoi. Ah, ça turgesse. Oh, ça vibre et tout, ça palpite. Oh putain, c'est beau. Oh putain, c'est beau. Oh putain, ça y est, il gémit dans son coin, il se cache. Ça y est, il s'empoigne. Il frotte. Ça accélère, ça y est, ça chauffe. Et c'est fini, ça y est. Oh là putain, il y en a partout. C'est la vie. La vie dans sa plus belle incarnation, celle du foutre. Bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois, gouvernement bourgeois. Le socialisme bourgeois n'atteint son expression adéquate que lorsqu'il devient une simple figure de rhétorique. Libre-échange dans l'intérêt de la classe ouvrière. Droit protecteur dans l'intérêt de la classe ouvrière. Prison cellulaire dans l'intérêt de la classe ouvrière. Voilà son dernier mot, le seul mot dit sérieusement par le socialisme bourgeois. Car le socialisme bourgeois tient tout entier dans cette phrase. Les bourgeois sont des bourgeois dans l'intérêt de la classe ouvrière. Grand 3, socialisme et communisme critico-utopique. Moderne a formulé les revendications du prolétariat, les écrits de Babeuf, etc. Les premières tentatives directes du prolétariat pour faire prévaloir ses propres intérêts de classe, faites en un temps d'effervescence générale, pendant la période du renversement de la société féodale, échouèrent nécessairement aussi bien à cause de l'état embryonnaire du prolétariat lui-même qu'à cause de l'absence des conditions matérielles de son émancipation, conditions qui ne pouvaient être produites que sous l'ère bourgeoise. La littérature révolutionnaire, qui accompagnait ces premiers mouvements du prolétariat, eut forcément un caractère réactionnaire. Elle préconise un ascétisme général et un grossier égalitarisme. Les systèmes socialistes et communistes proprement dit, les systèmes de Saint-Simon, de Fourier, d'Owen, etc., font leur apparition dans la première période de la lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie, période décrite ci-dessus. Les inventeurs de ces systèmes se rendent bien compte de l'antagonisme des classes, ainsi que de l'action des éléments dissolvant dans la société dominante elle-même. Mais ils n'aperçoivent, du côté du prolétariat, aucune action historique, aucun mouvement politique qui soit propre. Vas-y, t'es connu. Retenir, laisser aller. Lâcher prise. Allonge-toi ou assieds-toi. Et permets à ton corps de trouver la position qui lui convient le mieux maintenant. Et tu sais que ton corps va se reposer et se détendre. Tandis que je vais te guider dans cette relaxation avec ma voix. Pendant que tu écoutes ma voix, tu peux sentir ta tête qui repose là où elle est, tout en sentant ton dos. Et tu sens le contact de tes mains. Et tu sais que tu peux commencer à te détendre tout tranquillement et à tomber. Et en même temps que tu sens l'air rentrer là dans tes narines, chaque inspiration et en ressortir à l'expiration. Prends conscience que ta respiration va et vient là à son rythme sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Je me rends pas compte que t'as serré quand t'enlèves le casque. Et tu sens que ton dos repose là sur toute la surface sur laquelle tu es étendu. Toute la surface sur laquelle tu es étendu, installé. Et tu sens que tu peux aller de plus en plus à l'intérieur de toi. Et tu sens que tu peux aller de plus en plus à l'intérieur de toi. Et tu sens que tu peux aller de plus en plus à l'intérieur de toi. Tu sens que tu peux aller de plus en plus à l'intérieur de toi. Et tu sens que tu peux aller de plus en plus à l'intérieur de toi. Et tu sens que tu peux aller de plus en plus à l'intérieur de toi. Et tu sens que tu peux aller de plus en plus à l'intérieur de toi. Et tu sens que tu peux aller de plus en plus à l'intérieur, dans cet état de tranquillité et de bien-être. Et tandis que tu es conscient, consciente du lieu là dans lequel tu es, et tandis que tu es conscient, consciente du lieu là dans lequel tu es installé, tu peux peut-être entendre des sons là autour de toi. Et tu sens que tu te relâches davantage encore. Et qu'à chaque inspiration, tu inspires du calme. Et qu'à chaque expiration, tu es de plus en plus en contact avec toi-même. Dans dans cet endroit de paix et de sécurité. Là, là, là, là, là, là, là, là, là. À l'intérieur de à mes paroles, à ce que je dis. Ou peut-être prendre du repos. Ton esprit inconscient, lui, est là. Éveille à sa manière sur ton bien-être et ta détente. Et tu imagines maintenant qu'il y a au-dessus de ta tête une boule de lumière et de chaleur. Une boue. Il y a du cheval dans... Je suis pas punk, moi j'aime le funk. Une boue. Je peux pas faire des basses là, des trucs, des... Moi j'ai pas l'heure, il est que l'heure. Et tu peux laisser cette boule d'énergie douce et agréable comme un soleil. Venir là jusqu'à ta tête. Et cette boule d'énergie descend tout délicatement maintenant jusque dans ta tête. Dans ton fion. Et parcourt même chaque cellule, chaque parcelle de ton corps. Sens-la descendre dans ta tête, rayonner dans ta poitrine et dans ton ventre. Et la lumière se diffuse aussi dans tes bras. C'est un xénomorphe face à Gurs qui te perfera le ventre dans quelques heures. Dans tes jambes et jusque dans tes pieds. Dans ton fion. Laisse-toi sentir cela, en accueillant cette lumière lumineuse, très agréable. Et tu peux sentir que ton corps est en train de se gorger et de se nourrir de toute cette énergie lumineuse qui te régénère d'une façon aussi douce et agréable que c'est possible là, à cet instant. Et la boule d'énergie sort maintenant par les plantes des pieds et remonte de chaque côté de ton corps. Très agréablement, en t'entourant comme un ballon de lumière et d'énergie positive. Et régénérante. Et la boule de lumière et de chaleur Et la boule de lumière et de chaleur. La boule de lumière. Et la boule de lumière et de chaleur. Justement, la boule de lumière. La boule de lumière. Et maintenant, au-dessus de ta tête. Et tu la laisses rentrer en toi à nouveau par ta tête. Et t'emplir. Et te nourrir. Et te régénérer par sa chaleur et sa lumière. Fut un temps où j'étais un chien errant. En ce temps, mon maître grand, me méprisant et me molestant, je servais tant de temps en temps. Mon enfant, me dit-il, il fut surpris quand je lui appris que... Que bitch à de cul. Que c'était fini. Ah voilà, c'est ça. Et la boule de lumière ressort par tes pieds à nouveau. Tu comprends un petit peu pourquoi ça a dégénéré en vieux. Et renoue. Homer, l'Odyssée. L'Iliade, chant premier. Chante, déesse. Du Péléiade Achilleus, la colère désastreuse, qui de mots infinis accabla les Achéens et précipita chez Hédès tant de fortes âmes de héros. Vous serez ce même en pâture aux chiens et à tous les oiseaux carnassiers. Le dessein de Zeus s'accomplissait ainsi. Depuis qu'une querelle avait divisé la Tréhydre, depuis qu'une querelle avait divisé la Tréhydre, depuis qu'une querelle avait divisé la Tréhydre, depuis qu'une querelle avait divisé la Tréhydre, depuis qu'une querelle avait divisé la Tréhydre. Ouais, donc voilà, tout le monde est là, présent, dans Nuisance. Donc, l'émission Nuisance, c'est une émission où il y a tout le monde qui vient et qui ne fait absolument rien. Pendant que quelqu'un comme moi ne fait absolument rien non plus et se gratte l'épaule. Et se le fion aussi. Thank you. Thank you.